Alors vous écoutez Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est actuellement Nuisance qui commence. Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les non-sens cités qu'on peut trouver dans ce monde d'obscurité terrestrielle. Vous écoutez Canal Sud, Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. L'émission Nuisance, c'est une émission d'expression libre s'il y en a et de liberté, ben on verra. Ensuite, on fait du bruit. Pourquoi du bruit? Ben parce que c'est tout, c'est comme ça. Du bruit, ben parce que c'est tout, c'est comme ça. Du bruit, ben, parce que du bruit, ben, parce que parce que c'est comme ça, c'est tout. Nous, on va faire du bruit parce qu'on aime le bruit. On aime ça parce que ça nous fait nous sentir libres, genre. On a l'impression qu'on est quelque chose, que quelqu'un, parce qu'on fait du bruit. Nous, parce que tout le monde fait du bruit, on est comme les autres. On aime ça, c'est pareil, c'est la même chose. J'ai du bruit, c'est tout. On a l'impression qu'on est quelque chose, que quelqu'un, parce qu'on fait du bruit. Nous, parce que tout le monde fait du bruit, on est comme les autres. On aime ça, c'est la même chose. C'est ça le truc. Le bruit, c'est tout. Le bruit, c'est tout. Quelque chose, c'est tout. C'est tout. C'est le bruit, du bruit, on est le bruit. Du bruit, c'est la vie, c'est du bruit. C'est ça le truc. Le bruit, c'est tout. Le bruit, c'est tout. Quelque chose, c'est tout. C'est tout. C'est le bruit. Du bruit, on est le bruit. Du bruit, c'est la vie, c'est du bruit. C'est ça le truc. Du bruit, c'est tout. Le bruit, c'est tout. Quelque chose, c'est tout. C'est le bruit. C'est tout, bruit, c'est tout, quelque chose, c'est bruit, c'est tout, c'est viable. C'est le bruit, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est viable. C'est le bruit, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, quelque chose, c'est tout, c'est tout, c'est viable. tray against the edge. Les mots demeurent. The spirit dit like a tray maudit against sang. The edge. Le sang. Les 100% des mots demeurent. The spirit dit like a tray against sang. The edge. Pour le 100%. Les 100% des mots demeurent. The spirit dit like a tray. Nous visons le 100% cette année. Le 100% de réussite à tout ce que nous avions prévu. Nous allons avoir 100% de réussite cette année. 100% de réussite. Aucun échec. Aucun échec cette année. 100% de réussite. Aucun échec. Aucun échec cette année. 100% de réussite. Aucun échec. Aucun échec cette année. 100% de réussite. Aucun échec. Aucun échec cette année. 100% de réussite. Aucun échec. Aucun échec cette année. 100% de réussite. Aucun échec. Aucun échec cette année. 100% de réussite. Aucun échec. Aucun échec cette année. 100% de réussite. Aucun échec. Ah bah c'est ça que... Sur des trucs et tout, c'est ça qui est bien avec dire des choses, c'est que ça a de l'importance vraiment. Échec. Ah bah c'est ça que... C'est important de dire des choses des fois. Sur des trucs et tout, c'est ça qui est bien avec dire des choses, c'est que ça a de l'importance vraiment. Bah c'est ça que... C'est vraiment important, tu sais, de s'exprimer dans la vie. Thank you. We'll be right back. c'était de la merde sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. Cette merde, c'est Nuisance, Nuisance, l'émission qui nous sens, l'émission de toutes les nuisances, tous les vendredis à partir de 21h sur l'antenne du 92.2 FM1, du Canal Sudien, Hertzien, Toulousain, sur le web www.canalsud.net. Téléphone 05 61 53 36 95. Une adresse, le 40 rue Alfred Duméril, 31400 Toulouse, en France. Misfits. Thank God we have Five, yeah. Fucking, we have fucking nine orifices. Yeah, we do. 1, 2, 3, stick them up our asses, up our eyes, up our ears, up our mouth. I got 7. I ain't got 9. You got no eyes. Eyes might be some. I got 8. Yeah, you got 8. I got 10. Because you're special. Yeah. You got nostrils. You got 7 of them. I make nostrils. You got ear holes. You got ass. I got an asshole. That's the good point. And I got my eyes. Eyes are orifices. Yes, they are. Okay. I did not know that. That's the good point. C'est quoi un orifice déjà? C'est de l'or. Un trou. Une aspérité inversée. Une aspérité. C'est du lard. C'est du cochon. That's the good point. Une aspérité. Inspire-moi ça. Une aspérité. Nostrils. Avec de la bière. Tous les jours religieusement. Tu devrais avoir honte. Avec de la bière, de la 8-6, comme c'est dégueulasse de prendre des médocs pour le diabète avec de la bière. Avec de la bière. Tous les jours religieusement. C'est dégueulasse. Avec de la bière, de la 8-6, comme c'est dégueulasse de prendre des médocs l'insuline, pour le diabète. C'est pareil, c'est la même chose. Bière. Avec de la bière. T'es qu'une droguée, c'est ça. Avec de la bière, drogue, la 8-6, comme c'est dégueulasse. T'es qu'une sale droguée. Le diabète, c'est pareil, ça sonne mieux quand même, non? Ah, c'est une droguée, tu sais. Lui, c'est un drogué, c'est un drogué, lui. C'est un drogué, tu sais. Lui, c'est un drogué. Je suis qu'un sale drogué. Ouais, je suis qu'un sale, d'ailleurs. Drogué. Dégueulasse. Ouais, gros dégueulasse de drogué, dégueulasse. Répugnant, ça c'est trop élevé pour moi, je comprends pas ce mot, je suis un sale drogué moi. Je suis un pauvre camé, je comprends pas ce mot répugnant, c'est trop ça. Ignoble. C'est pugnace. Cancer, eczéma. Ragoûtant. Pustule, furoncle. Sagittaire. Verso, drogué. Je suis drogué, t'es quoi, t'es keuf. Ascendant connard. Scorpion. Ah merde, j'appuie sur le bouton. Tout à l'heure, ce qu'était un orifice, ouais, c'est un peu comme l'inverse d'un bouton. Ah, ouais, c'est un truc que tu rends, ça peut rentrer dedans. Mais tu peux avoir des boutons dans l'orifice, dans ou sur l'orifice à l'extérieur. D'ailleurs, ton orifice peut être un bouton à lui tout seul, quoi, tellement il peut être couvert de pustules et de furoncles. Ah, bah là, on parle pas de toi, on parle de grand art. Herpes. Le syphilis, merde. Quoi. On parle de la folie, c'est tout. Ah bah là, on parle de la folie. Police. On parle de c'est la folie, c'est la police, c'est ça? La c'est police, ça police. C'est ça. Hein. C'est ça. On parle de la folie, c'est tout. La folie. La police, c'est la police. La police, c'est la police, c'est ça? La police, c'est ça. La police avec des boutons. La folie. La folie, c'est la police. La police, c'est la police. Ah, moi j'ai la police. La folie, j'ai la police. Moi, j'ai pas de bouton, j'ai pas police. De police. La police, c'est la police. C'est la police. Oui. J'ai la police. La folie, j'ai la police. Moi, j'ai pas la police. De bouton, j'ai la, pas police. La police. C'est la police. C'est la police. Oui. Comme une Listerine. La folie. La police. La police. Bouton, la police. La police. C'est la police. Waouh. Communiste Wings. La police. Ah, fiston. Pistule. Waouh. Pistule. Communiste Wings. La police. Ah, fiston. Pistule. Waouh. Pistule. Communiste Wings. La police. Ah, fiston. Pistule. Ouais, fiston. Pistule. Fiston. Fistule. J'ai une histoire à te raconter. Fiston. Fistine. Fiston. Ah, fiston. Fiston, fiston. Fiston, le fiston. Fiston, fiston. Fiston, fiston. Attends, fiston, un instant, fiston. Mon fils, je me retire. Tous les fils. Au nom du fist. Oui, d'accord, mon fils, mais je me retire d'abord. Non, mais reviens après. S'il te plaît, papa. D'accord. Reviens. D'accord, maman, je le ferai juste pour toi parce que tu m'aimes, maman. Ouais, papa, papa. C'est quoi, c'est papa. Fais ce que tu veux. Suce ma bite si tu veux, papa. Suce ma queue. Laisse-moi le cul, plein de merde, caca. Caca. Suce ma queue. Laisse-moi le cul, plein de merde, caca. Caca. Quelle chance t'es. Laisse-moi le cul, plein de merde, caca. Quelle chance t'es. Laisse-moi le cul, plein de merde, caca. Cochon sté. Mau, mau, mau, mau. Caca. Oui. Caca Rico. C'est moi. Quoi? Boulette. Carico. Ah, Rico. Boulette. D'accord. Boulette. Cacarico boulette. Salut Boulette. Non, y'a pas moyen. Ça va être tout bien. Non, non. Non, faut trouver un autre surnom. Salut Roulette, Roulette. J'essaie de rire avec le cul. Cul, ouais, avec le cul. Ouais, bah, on va trouver un truc. On prend un pinceau par exemple, on peint un cul. Enfin, un cul peint. On peigne du cul, quoi. Un peigne que. Un peigne cul. Tu prends un chinois et qu'on lui dit casse-toi et que t'es allemand. Qu'est-ce que tu lui dis à la fin quand il s'est barré? Calmant. Dans le cul. Ah. Dans le cul. Dans le cul, Sean. Il s'appelait Sean. Non, Schnell, si tu préfères. Dans le cul, Schnell. Dans le cul, Schnell. En néerlandais, on dit dans le cul. Dans ton cul, par exemple. Non, non. On dit dans le cul. C'est comme en France aussi, on dit ça. C'est une blague. C'est une blague de merde. Mais si, tu sais. C'est une blague de gamin. Une comptine. À la cantine parce qu'on n'a rien trouvé d'autre à dire. Merde. Une fable. Une jolie petite histoire. Un conte de fées. Un conte de fion. De fées carabosse. Un conte de fécale. Un conte où on met des choses dans les autres choses et on se demande à quoi ça sert. Et quand ça fait quelque chose qui sort de cette chose-là, on se demande à quoi ça sert. Au final, on se demande à quoi ça sert. Est-ce que ça vaut le coup? Un conte de fécale. La fée carabosse. La fée. La fée qui a plein d'aspérité. La fée orifice. La fée orifice. Ça fait mal? D'avoir un orifice? Oui, mais ça fait du bien. Ça peut faire du bien, mais ça fait mal. Ça c'est sûr au moins. Les petits enfants ils aiment beaucoup. Pas forcément. Peut-être les vieux, les vieux avec des hémorroïdes qui aiment ça aussi. Tu sais les vieux dégueulasses de je sais pas moi 200 ans, tu sais, qui sont en train de pourrir dans leur hiéroglyphe. Dans leur hiérarchie. Dans leur momie. Dans leur furoncle. Dans leur pustule. Ouais, dégueulasse. Dans leur enclursule. D'où vieux dégueulasse. journal d'un vieux dégueulasse, ça vient de là. C'est parce que le mec s'est pas lavé depuis près 120 ans. Ah, ouais, c'est intéressant. Tout à fait, oui. Et donc c'est à ce moment-là qu'il paye quelqu'un qui est bien volontaire pour prendre du fric pour... tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça vaut le coup? Et pour qui, je veux dire? C'est un bon coup? Ah, sûrement, dans tous les cas, ouais. Ah bah alors oui. Ah bah il faut 100 alors. 100 fois oui. Ah 100 fois oui, oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, oui, oui, oui. Encore une fois oui. Je suis sûr. C'est ce que je ferai en tout cas. Ouais, c'est pas comme si je pouvais faire la chum ou... Non mais t'es chum. C'est vrai. T'as qu'à faire toi. Les poubelles. J'y vaut mieux que ça, moi. Mais tu vis dans les poubelles, non? C'est ta maison. Ouais, c'est vrai. Je suis un taudis à moi tout seul. Voilà. Voilà. Aucun effort à fournir. Voilà. Chez toi, c'est du tout cuit, c'est inné. Ouais, c'est facile. Moi, c'est facile. Je suis né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Dans le cul, d'ailleurs, dans le cul aussi, j'avais un god en ceinture d'argent dans le cul. Pendant aussi. Que ma mère, elle me foutait la cuillère dans la bouche avec et l'argent. Comment elle prenait ta température? Ah, ah, tu veux savoir? Bah ouais, j'aimerais bien. Ouais. Bah attends, je vais te raconter après la pause publicité. Publicitaire. Pause pubis. Ici, terre. Terre le pubis. Pause pubis. Illicite. Pause phlébite. fond, les bruissements des feuilles d'automne sous les pas d'une mégère apprivoisée pour une fois. Oui, car Canal Sud, c'est Radio Libre Mourir. Et pour une fois, oui, la mégère sera apprivoisée sur Canal Sud grâce aux feuilles qui bruissent sous les pas de cette mégère-là. Oui, écoutons les feuilles qui bruissent, mortes, mortes, quelles sont ces feuilles-là. C'est justement ritournelle et petite parole pour les enfants, donc oui, bienvenue les enfants en enfer. Moi j'ai bien la fessée. Payez vos impôts. Soyez imposables. Levez-vous le matin et allez travailler pour rien. Bande de gamins, vous avez compris. Plein, temps, plein. Fermez vos gueules. Soyez bien la fessée. Plein, plein, plein, plein. Tout ce temps que vous êtes. Taisez-vous les enfants maintenant, faites ce qu'on vous dit. Taisez-vous. Moi j'ai bien la fessée. Silence! Le RSA c'est pour les assister. Ouais, c'est clair. C'est pour les sales camés comme moi. Les parasites. Moi je suis handicapé, moi je suis pire, moi je suis une larve. Moi je n'ai même pas le mérite de vivre. C'est pour les je suis assisté quoi. m'assiste pour respirer, quoi, figurez-vous. C'est... Vas-y, respire, connard, respire, merde. Ah, qu'est-ce que tu fais, putain, on se croyait qu'on allait encore finir tout seul. Travaille. On va pas mourir tout seul. Travaille. Tu comprends, il faut que tu meurs avec nous, tu comprends. Travaille. Putain, ils sont cons, ces gens. Mais non, non, moi, je suis pas d'accord, moi. Tu comprends. Mourons tous ensemble. Je suis pas d'accord. Allez. Je suis crédible. Gratte-toi l'oignon, enculé. Bien sûr, ben moi j'essaie de dire un truc philosophique, métaphysique, et on me dit gratte-toi l'oignon, enculé. Bah d'accord. Bah voilà, ça. C'est quoi, j'aime gratter l'oignon. Parce que ça, c'est une question métaphysique, parce que si tu réfléchis, si tu te grattes l'oignon, est-ce que ça te fait, ça te pique les yeux? Ouais, ça te pisse le sang d'abord. Hein, hein, bah, faut vérifier. Après, ça pique les yeux. Hein. Faut juste a dab. Ah ouais. And a spoonful of sugar helps the medicine go down, the medicine go down. Supercalifragilisticexpialidocious, supercalifragilisticexpialidocious. Bienvenue en enfer les enfants. Maintenant vous allez vous coucher et fermer votre gueule et travailler demain. Parce que demain c'est samedi et samedi c'est pas Shabbat parce qu'on n'est pas juif. Ok? Nous on est des catholiques et les catholiques c'est dimanche que ça. Et Mazel Tov à tous les non-juifs. Ouais, Mazel Tov. Shalom. Salam alaikum. Allah. Ah non, pas ça, j'en ai marre. Allah. Déjà que je travaille avec des connards qui me disent tout le temps ouais alors. Tu travailles toi? Ah, j'ai parlé à un arabe et trois phrases plus tard, Allahu Akbar. Alors je sais pas comment ils arrivent, les mecs ils arrivent à placer Allahu Akbar toutes les trois phrases quand ils parlent d'arabe. Ou avec des arabes d'ailleurs, mais comment ils font les mecs t'sais? Salut, t'es français? Ah, le général de Gaulle il a perdu la guerre, connard, bouffon. Rien à foutre personnellement. Mais... C'est qui le général de Gaulle? C'est le mec avec le gros nez. Bah c'est le il vient d'être élu là. Mmh. Ah non, on parle pas de ça. Ah, je sais. Ah non, moi je parle du passé, moi. Ah, non, je suis pas dans le présent. C'est pas. Ah, mais travail. Ouais, travail d'abord. Arbeit macht frei. Ça c'est ce qui est écrit au-dessus du camp d'Auschwitz. Arbeit macht frei, le travail rend libre. Ça vous rappelle quelque chose, le travail rend libre? Travailler pour gagner plus, c'est ça? Travailler rend libre. Travail, c'est la santé. Travail, c'est la santé, ouais. On n'a pas de pétrole en France, on a des idées de merde. On a du travail. On a du travail pour la santé aussi. Santé, travail. Si tu veux, si tu veux travailler, bah on t'envoie la santé si tu veux. Il y a du travail à la santé. Ouais, il travaille travail, dans la santé même. Bien au fond de la santé, au fond dans l'isolement. Santé. Santé. Santé. Et l'hôpital se fout pas du tout de la charité. Non. Parce que général de Gaulle. Santé, trois Gaulle. Santé. Mais moi j'ai pas la Gaulle. C'est pas vrai. Putain, tu me l'ôtes de la bouche là. C'est pas vrai. Vas-y, reviens-moi. Ok, je te la remets alors. Reviens-moi. J'aimerais tellement que quelqu'un me dise ça. Reviens-moi. Oh, Al, reviens-moi. C'est pas toi que je parlais. Je sais. Non, j'ai dit, j'aimerais tellement que quelqu'un dise ça. Ah, moi, oui, non, je disais pas. Tu... Non, mais merci, c'est cool. Merci. Oh, déjà, personne ne me dit reviens-moi. Je... En plus, c'est pas toi qui va me le dire. C'est cool. Moi, je suis pour une publication. Des bouches. En plus, c'est pas toi qui va me le dire. Rendre c'est les cool. Bouches publiques. Moi, je suis toutes les bouches publiques. Ragoûter les bouches des goûts. C'est les républiques que je veux. Les bouches publiques. Je veux toutes les républiques. Toutes les bouches. Et les bananes. Plein de bananes. Je veux la Côte d'Ivoire. Plein de bananes. Je veux la Côte d'Ivoire et la République. Et là, c'est bon. La République bananière. Ah ouais, la République bananière. Mais bien sûr, démocratique du Congo. Bah, on est bon, on peut même voter pour ça, tu sais. Putain, mais moi je vote. Clair. Moi je vote. Moi je vote. Je vote tout de suite. C'est fait d'ailleurs. Allez, deux fois. Deux c'est fois mieux aucune. C'est complètement ça. Deux fois mieux aucune. Je vote tout de suite. C'est fait d'ailleurs. Comprenez au moins que ceci n'a rien de ça. Mais... Mangez-moi la banane. Vous savez même pas comment on épluche une banane. Vous savez pas éplucher une banane. On vous ment. La banane ne se épluche pas par la queue. C'est un mensonge. C'est par la tête qu'on épluche. On vous a menti. On vous ment. On vous cache la vérité. On vous spolie. On vous cache tout, on vous dit rien. Vous avez payé pour demander ça. C'est pas poli. Vous avez payé pour poser la question, mais c'est quoi qu'on essaie de me vendre? Du Coca-Cola, connard, maintenant paye. Encore. Une fois. Pour en acheter. Toi encore. Et ben non, moi je fais, tu vois, moi c'est pas le Coca-Cola, moi, tu vois, moi c'est autre chose, c'est la banane. Putain, comment ça s'appelle déjà? C'est Speedball du pauvre, Subutex avec, je sais pas, moi Speed, voilà, ça c'est bon, là je suis bien, tu vois. Je me sens bien. Espèce de clochard. Je suis pas un camé, moi. Tu travail. Un sale drogué, moi. Si, t'es un sale drogué prêt à se défoncer avec n'importe quoi. T'as qu'à travailler. Prends des vrais trucs, travaille un petit peu le travail. Ça, c'est de la défense. Le travail, ça, c'est de la défense. Speed, speed. Non, c'est de la merde. C'est de la merde. Ça. Arrêtez. Ça peut servir. Arrêtez, sérieusement. Et ça aussi. Arrête. Arrête. Ah non, j'ai plus. Arrête. Je suis un peu bon. Arrête de quoi? J'ai rien recrache. Fait. Recrash. Recrash quoi? Recrash ce que t'as mis. Ce que j'ai mis, mais ce que dans c'est toi que corps. Tu m'as mis. T'as qu'à péter, ça ressortira. T'as pas travaillé pour la voix. C'est pas à moi, ça m'appartient pas. C'est à la République. La République. Ouais, c'est pas des choses pareilles sur mon public. Mon corps appartient à la République, il fait partie du domaine public. À la nation. À la nation. Toutes les bouches sont publiques. À la nation. Moi je suis pas d'accord qu'on dise des choses importantes ici. Je préférerais qu'on fasse de la rhétorique. C'est toi la rhétorique. Alors, les oiseaux sont pauvres. C'est toi la rhétorique. Les oiseaux sont pauvres parce que. Ils travaillent pas. Parce qu'ils ont pas de fric. Les oiseaux n'ont pas de fric donc ils sont pauvres. Ouais, mais ils ont qu'à pas chanter. Ils ont qu'à aller travailler. Que toutes les cigales deviennent fourmis. C'est toi la fourmi cigale. Non, je suis pas d'accord. C'est quoi que tu disais? Que toutes les fourmis deviennent cigales. Toutes les fourmis ont la gueule. Ça. T'es sûr? T'es sûr de ce que c'est vraiment ça que tu disais quoi? Parce que moi je suis pas forcément d'accord avec toi, tu sais. Tu sais. Ah mais je m'en fous. Ouais mais moi est-ce que je m'en fous pas peut-être? J'en ai rien à branler. Peut-être que t'es parano, mais en fait c'est peut-être parce que t'es parano que tu crois que les gens sont pas après toi. Ils t'en veulent les gens, ils savent tous hein. Toute ta famille la dernière fois au repas de Noël, tu t'en souviens? Eh ben tout ce qu'ils disaient sur toi, tu t'en souviens? Je les ai tous butés, il y en a plus un seul pour s'en souvenir. Quand ils ont dit que la dinde a été farcie, tu te souviens ce que ça voulait dire? Tu vois très bien ce que je veux dire. Tu vois très bien ce que je veux dire. Mais c'était moi la dinde. Et ben voilà. C'est ta propre famille qui t'aime tellement. Tout ce qu'elle dit sur toi, c'est que t'es qu'une dinde. Et moi, je suis le dindon de la farce parce que je me suis marié avec plein de fric. J'ai acheté une meuf avec du fric. Et qu'est-ce qu'elle représente? Pour moi, rien. Et il faut que tu t'habilles mieux pour la prochaine fois. Parce que ta famille, il faut qu'ils comprennent que t'es pas une pute, ok? Que tu travailles. T'es pas une prostituée. T'es juste reconnue handicapée. Et donc, il faut t'assister. Donc, c'est pour ça qu'on s'est marié. Tu sais, l'amour. Alors que moi, je suis un mec. Et moi, je suis quelqu'un de bien, moi. Parce que tu travailles. Parce que je suis un mec d'abord. Mais moi je travaille, je fais de l'assistanat sexuel. Parce que moi je trouve que c'est pas normal que les handicapés ils peuvent pas se faire sucer. Alors moi je dis, il faut qu'il y ait des gens qui puissent sucer les handicapés. Ah, quel dévouement! Et ouais, moi je fais ça gratuitement, bénévolement. Si t'es à peu près attardé, à peu près gogol et que tu comprends rien à la vie, viens me voir, je te suce gratos. Parce que c'est pas normal que personne puisse vouloir te sucer. Ah, merci Robert. Ah, de rien. Ah, c'est cool, merci. Heureusement que t'es là. Et puis, rase ta moustache la prochaine fois, ça gratte des fois. Ouais mais c'est ma marque de fabrique ça. Moustache, c'est ma marque de fabrique. Je peux pas l'enlever. Moi je suce gratuitement. C'est comme tes poils de torse quoi. Si t'es pas handicapé, va te faire enculer. D'accord. Là, je peux t'enculer gratuitement par contre. Ok, ben je vais y assister alors. Je veux assister à ça. Ouais, tu veux assister. T'es pas handicapé toi. T'es un connard handicapé. Assistant. Ouais. Tu veux. J'assiste à tout moi. Vas-y. J'assiste à Nam. Sors ta vie. Nah. Moi, je fais de l'assistanat. T'as pas de soucis. Moi, je suis l'assistanat. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus que ça? Assistanat. Ça veut rien dire. Heureusement qu'il y a des gens qui ramassent les vieux qui, quand ils se pètent la gueule dans la rue, tu sais. Sinon, les vieux ils crèveraient dans la rue parce que personne les ramasserait. Bah, vous voyez ce que je veux dire? Assistanat. Bah, moi, je trouve pas ça normal de ramasser les vieux dans la rue parce que c'est quand tu marches et que tu glisses par terre, que tu tombes, ça, c'est comment tu fais s'il n'y a pas de vieux par terre pour camoufler ta chute? Sinon, tu te fais mal quand tu tombes sur le trottoir. Bah, le vieux il est tout sec, c'est pas parce que la peau elle est toute flétrie qu'il n'y a pas des os en dessous et qu'il a mangé quelque chose, le vieux au moins. Mais des fois, il y a encore de la merde à l'intérieur qui amortit ta chute. Elle est toute sèche, sa merde. Sèche. Ça, non. Mais tu lui pisses dessus, il a dans ce cas son ventre, il regonfle. T'auras pas le temps de tomber. Mais tu regonfles si tu lui pisses dessus. Son corps il regonfle comme ça. Après tu peux retomber dessus. Et ça gicle par tous les orifices. Mais y'a rien de liquide là-dedans, ça peut pas gicler. La merde sèche, ça gicle pas, ça. Tu peux la réhuminifier avec ta pisse. Ouais, mais t'es tombé dedans. Donc tu t'es collé dans la pisse, donc elle s'est absorbée dans ton corps en fait. Tu sais. Mais bien sûr, tu me nourris de pisse par la peau. Eh attends, j'ai pas dit que t'étais un gros dégueulasse hein, non plus, Robert. Je suis pas dégueulasse, c'est traditionnel. Je dis pas que t'es un porc parce que tu veux absolument sucer des bites. Hein. C'est traditionnel. Vas-y, suce des bites. Embrasse-moi, Robert. C'est traditionnel. Ouais, embrasse-le. Robert. Elle est trop petite, ta bite. Vraiment, mais tu me fais honte. Sors-moi une vraie grosse bite, au moins, ou alors mets-en-moi trois. Sans ma famille me l'avait bien dit sur toi, Robert. Hein. T'as vraiment qu'une bite, quoi. Bah ouais. Écoute, de toute façon, à quoi ça sert d'être humain si on n'a pas de bite? Mais ça me suffit, de toute façon. Faut avoir une bite pour être humain, sinon on n'est pas un humain. Ouais, je suis d'accord, on n'est pas un humain, ouais. Si on n'a pas une bite, on est une humaine. Faut avoir, voilà, on c'est est ça. Inhumaine. Ouais, on est, ouais, c'est inhumain. Peu qu'on ait encore son hymen. Si t'as pas de bite, t'es inhumaine. Si tu veux, ouais. Ouais, ouais, vas-y, ouais, montre-moi ton hymen. Ouais, tu l'as encore? Non. Ça ressemble à quoi? Ouais, je l'ai, il est dans un petit bocal. Préservé comme avec les dents. Dans le format, quoi. Ah ouais, comme la. Bah ouais, comme ça je peux toujours dire que j'ai mon hymen. La petite souris, la petite comme souris, ouais. Ouais, je l'ai gardée. Moi j'ai la petite souris, moi, dans le placard. Parce qu'elle m'a saoulé avec. Quand j'ai perdu une dent, une fois, elle a un peu filé 20 tu balles. Tu l'as étouffé sous l'oreiller, c'est ça? Ah ouais, je l'ai tué, carrément. Ouais, je la prends. C'était ma petite sœur, je l'appelais Carotide. Ma petite sœur Carotide. Ah ouais, je l'ai frappée. C'était marrant. Qu'est-ce qu'on a ri. Heureusement, il est plus de 10h. Ça va alors. Mais elle aime bien, je suis sûr. Tu devrais continuer un petit peu, c'est moi pas j'aime normal bien les, que tu la délaisses. J'aime bien ça. Les... Elle aime bien. Que tu la molestes, ouais. Elle aime bien. Là, ça, on peut mettre pas mal de trucs derrière qui font vraiment dégueulasse, quoi. Tu vois. Surtout si c'est un mec comme moi qui parle. Elle aime bien... Elle aime bien les chaises. Elle aime bien... Les chaises. Elle aime bien Canal Sud, hein. Elle ouais. Aime bien Canal Sud, tu vois, tout de suite ça fait vraiment... Elle aime bien Canal. Alors il aime bien les croissants monsieur, hein. Il aime bien les croissants. Il aime bien Canal. Elle aime bien les croissants madame, elle aime bien les croissants madame. Canal. Tu vois, tout de suite ça fait... C'est étrange quand même. Parce que le langage peut être vraiment dégueulasse quoi, ça me donne envie de vomir. Spéciale dédicace à Dalida, ça me donne envie de vomir. Tu passes son âme, bonbon et chocolat. Tu veux une bassine pour pleurer parce que Dalida est morte, sûrement oui. Demain. Ça serait bien, il faudrait. Faut d'abord que je dorme un peu et après on va pleurer ensemble si tu veux. Ouais. Ouais, mais t'as une bassine alors. Elle est enterrée où d'ailleurs? Yoda. Yoda il est mort aussi, Yoda. Il n'y a pas de tombe pour Yoda. Non, il est pas mort, Yoda. Yoda il est pas mort, il est sous mon placard. Ah, tu blasphèmes. Tu blasphèmes. Attends, Mahomet il est pas mort pour ça. Il est mort pour quelque chose d'abord. Je parle de Yoda, confonds pas Mahomet et Yoda. Je sais qu'ils sont frères. De quoi vous parlez là? On t'a coupé. On t'a coupé. Ah non, je sais ce que c'est. Laisse-la terminer, la porte. Elle a pas fini. Tu veux pas te finir? Non, mais moi je veux bien. Je vais finir si tu veux. Mais je suis outré. Tu veux que tu finisses? Outré. Pourquoi t'es outré? Non, mais. Je veux bien. Regarde ta gueule, pourquoi t'es outré là, sérieusement? Oh, calme-toi, Robert, voyons, c'est une madame. C'est pas la même. Ah, parce que t'as. D'accord, j'ai rien. Je sais pas quoi dire. C'est ma madame. Non, je disais pas ça pour ça. Ah, d'accord. Je disais ça par rapport à ma maman. Alors je pensais à ma maman. Parlons-en. Elle, c'est ma maman, t'as vu. C'est ah ouais, madame que je m'adonne. C'est dégueulasse de dire ah ouais, c'est mon fils et tout. Mais non, ça m'appartient pas ce truc. Ah bah tiens, ça fait la boucle. Fiston. Il y a. Pour le fist. Les billets de c'est là ton festin. Pour le fistripole. Et le saint fistri. Le fistriol. Le fistride. Ah ouais, les apatrides, il y a les fistricides. Le fistricide. Mort du père par le fist. Sacro-saint bénéfice. Le fist et saint fistri. Qui c'est qui a introduit ce mot dans la parabole? C'est pas dimanche, mais on a le droit de prier quand même. C'est peut-être cette année prochaine qu'on aura un nouveau président. J'ai pas regardé les actualités dernièrement. Moi non plus, je suis pas trop. Il paraît qu'il y a quelque chose qui se passe, qui se trame là, je crois. Quelqu'un veut être président, je crois. Ça m'étonnerait que ce soit une femme présidente, en tout cas en France. Là, ça. Complotiste. Mais toi-même, tu parles pas des juifs comme ça, d'accord? Il y a des trucs qui sont en train de se faire. Moi, je crois qu'il y a... C'est dégueulasse. Qu'en fait, on nous ment. Qu'il n'y a rien qui est en train de se faire. Ouais, en fait. Mais la question je crois que tu est sais pas ce que tu dis en fait. Qui tu te rends pas compte de ce que tu dis. Là. Ils sont là, ils nous écoutent. Hein. Mais non. Ah, mais grave, je te dis, ils nous écoutent, ils sont tous là, ils nous regardent tous, ils nous écoutent là, grave, tous. Pas dire des trucs comme ça. Ouais, je sais, c'est dégueulasse, mais c'est un complot, hein, tu sais, c'est un complot. Non, je suis pas d'accord. T'es pas complotiste, toi, tu préfères le fist. Putain, mais t'es pas. Ah ouais, bah, chacun ses goûts, quoi. Moi, je préfère le complot que le fist. Hein. Grave. Moi, je préfère comploter que fister. De loin. Me fister, je préfère me comploter. T'as vu comme t'es pauvre, sérieusement? Ouais. T'as pas honte? Mais cache tes relevés d'identité, hein. tes relevés de compte bancaire. Tu n'auras jamais mon relevé d'un tour. Pourquoi tu parles? C'est parce que j'ai bu un coup et que j'ai envie de me lâcher un travail. Juste en parenthèse, c'était à moi. Va travailler. Non, c'était. T'es jalouse d'être pauvre. C'est toi la pauvre. Tu veux pas aller travailler? Go fuck yourself. Mais viens, fuck yourself with yourself. Au self, on dit au self en français. Au self comme la cantine. Oui, oui, ça me service quoi. Et quand tu viens dire viens me fister, donc quand on dit viens me fister à la cantinière, en français ça veut dire en anglais. Viens manger du riz soto. Des quenelles. Des quenelles au riz soto sauvage. Basilic, je veux dire. Est-ce que c'est bon ça? C'est bon ça? Tout est bon dans le jambon. C'est bon dans le jambon. Tout est bon dans ton fion. Dans mon fion et que ça sort après, c'est délicieux. Les doigts, les quenelles, la langue, la bite. Sûr et certain. J'ai une question, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui font des calembours? Parce qu'il me semble que j'ai l'impression d'entendre des calembours depuis tout à l'heure. Des cronembours? Des calembours. Non, j'ai entendu des cronembours deux fois. Ouais, mais c'est la version calamar des calembours. Ah, c'est comme la Königsberg, c'est la version Schönberg de la Schönexberg, Bierzbjörg. Non, mais parce que c'est presque drôle. Moi, j'ai envie de rigoler. Non, c'est pas marrant. Pour l'instant, on se fait un peu chier, mais c'est pas un problème. Hein. Mais on peut vivre comme ça. On peut continuer à vivre jusqu'à la mort en se faisant chier, vous savez. J'ai quand même envie de presque rigoler. C'est parce que c'est pas mal. Chier, mais c'est pas un problème. C'est juste moyen, quoi. Ouais, quand même. Jusqu'à la connaître, on se fait chier, vous savez. Non, il manque un truc. Il faudrait plus de bruit encore. De bruit, mais en même temps, tu veux pas aller travailler. Travail. J'en viens, plus de bruit. Travailler. Ah bon. Non vas-y, on prend que c'est bon, t'inquiète. Ah ouais, merci. Alors je vous décris la scène, il y a une pote qui écarte les fesses et qui met un briquet entre ses fesses. C'est impressionnant. Rends-moi mon feu. Et vous voulez que je vous montre vraiment la fin de la suite de l'histoire? Je suis en train de me branler sous la table. Rends-moi mon feu s'il te plaît. Recrache ce feu. En pensant à ma pote qui est en train de décarter les fesses pour se mettre un briquet entre les fesses. Recrache. Et je suis heureux d'un coup, je me dis tiens, ce soir je vais me coucher moins con. Tu vois ce que je veux dire, ce soir je vais me coucher quoi. Donc si tu veux éviter. Au moins t'as appris. J'ai appris quelque chose, j'ai réussi à ne pas me retenir de dire ce que je pensais. Ce soir je ne me retiens pas de ce que je pense. Tu veux pas l'essuyer un peu? Ça va, c'est mon micro. Mais essuyer sur le micro. Mais je suis toujours là d'habitude, t'as changé. Lâche. Non, toi, lâche. Non, vous léchez pas le micro, c'est dégueulasse quoi. Pourquoi elle fait ça la madame? Je sais pas, c'est toi la madame. C'est la madame? C'est madame? C'est toi la madame. Et elle aussi c'est la madame, et lui aussi c'est la madame. Bonjour monsieur. Et que moi qui fais pas la madame, parce que moi je vous écoute, c'est tout. La madame, elle fait peur. Elle fait peur. La madame. C'est vrai qu'on se fait un peu chier. Ouais, on se fait chier. Hein. Mais c'est pas un problème parce que tu sais, il y a des gens qui se font chier tout seuls et nous, ben, ils trouvent qu'on est gars. Et surtout, les gens, ils entendent en train de faire chier, ils se disent putain, ils galèrent. Et ouais, effectivement, on est en train de galérer. Ouais, vous savez, vous êtes pas les seuls. vous en rendez compte maintenant. Je sais, ça paraît con comme ça. Je crois qu'il y a des connards qui sont en train de nous écouter, il faudrait les emmerder un petit peu. C'est ce qu'on est en train de faire, on est en train de leur dire la vérité comme ça dans la gueule. Faut pas le dire comme ça, faut dire acheter du coca, la vérité c'est ça. Ça va plus vite comme ça. Mais le pire, c'est que je leur ai dit de pas écouter et les gens, ils écoutent quand même. Non, ils écoutent pas, tu t'as vérifié avant de leur demander? Je vous ai écouté ou vous écoutez pas? Non, on écoute pas. Cassez-vous. On a rien à se dire. On a rien à se dire. Mais écoute. D'accord, voilà, je vais écouter. À partir de maintenant, j'écoute. Juste non, mais tu écoutes. D'accord. Maintenant, j'écoute. Si tu es en train de parler. D'accord, je vais arrêter d'écouter. J'ai arrêté de parler pour écouter. Mais j'arrête de parler tout de suite. Là, j'arrête. Écoute-moi bien. Tu m'écoutes. Là, j'arrête maintenant. Tu m'écoutes. Allez, on arrête. Tu m'écoutes. On arrête. Non, mais c'est toi qui arrêtes maintenant. Les enfants. J'écoute. Les enfants, on va à table. J'écoute maintenant. Les enfants, à table. Pourquoi il faut que je t'écoute toi? Moi je préférerais écouter moi par exemple. Pourquoi? Bah parce que c'est tout, c'est comme ça. Genre c'est toi qui choisis? Ouais parce que. Tu vois pourquoi ça serait pas moi qui choisirais? C'est lui le chef. Bah parce que j'ai décidé comme ça, on va tourner demain, demain tu seras. C'est quoi ça la cohérence? Bah on fait tous partie du même club, autant qu'on soit chacun chef, chacun notre tour. Bah alors pourquoi ça serait pas moi d'abord? Bah parce que j'ai décidé que ce serait moi et c'est moi le plus con de tous. Ah ouais. Je suis le plus con, j'ai le plus laid, j'ai la petite bite. Non, moi j'ai une plus petite bite que toi. Les meufs elles m'ont dit je vaux rien au lit. Chifoumi. Ma dernière meuf elle me l'a dit je vaux rien au lit, donc autant être clair. Moi, je suis qu'une merde. Je préfère passer devant. Moi, je préfère gagner du fric d'abord. Moi, c'est la fric qui m'importe. Le travail, c'est la santé d'abord. Je peux vendre mes enfants. Je n'en ai rien à faire. T'as pas d'enfants, tu mens. Tu mens comme tu respires, comme si moi, je pouvais avoir des enfants. Ouais, moi, je vends mes enfants. Je suis un handicapé. Tu vas me refuser le droit à la propriété, c'est ça? Il faut que mon corps m'appartienne même plus, c'est ça? Il faut que je me prostitue maintenant, gratuitement, pour toi. Pour toi, Léandre. Pas capable de discerner qu'est-ce qui t'appartient et ce qui t'appartient pas. Vous savez même pas comment on fait les enfants. Pour élever un enfant, il suffit d'aller genre dans un pays asiatique. Non, mais toi, tu crois encore au Père Noël. Non, mais tu vas par exemple en Chine. En Chine, ils ont droit à qu'un seul enfant. Non, c'est pas vrai. Ils peuvent payer pour en avoir deux maintenant. Ouais, mais regarde, ceux qui peuvent pas payer. Eh ben, ils en font quand même et ils tuent. Les filles, c'est connu. Au lieu de les tuer, c'est connu, hein, on me l'a dit. Hein. Mais tu peux les récupérer, les gars, ils en veulent même pas. Ils sont là, genre, oh putain, merde, une fille. Toi, t'arrives, t'es là, ouais, donne. Gamin, après, tu l'élèves, quoi. Tu l'élèves, mais. Tu l'élèves, ah ouais, bonsaï. Mais non, ouais, du bonsaï, mais. Ouais, bonsaï, version torturée, quoi. Non, plutôt. Plutôt tendu. Expressionnisme abstrait. Abstrait, ouais, carrément. Abstraction. C'est une pédagogie. Expressionnisme abstrait. Abstractionnisme. En fait, péjoratif. Il faut que la personne n'ait pas la conscience de sa propre existence. Pour mourir. Non, en fait, du coup, elle est dans une non-vie constante. Ouais, avec son enfant en elle. Et c'est à ce moment-là qu'elle se rend compte qu'en fait, la personne, c'est elle, l'enfant. C'est ça. Dans la personne et lorsqu'elle qui est tombe enceinte de toi et qu'elle fait un enfant dans ta cave, que lui il tombe enceinte, elle croit que son enfant c'est elle-même en fait. Voilà. Et ben le mec, son enfant c'est lui, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a confusion. Des fois ils disent mon enfant, en fait ils pensent pas ça. Les gens, ils sont gentils les gens en fait. Normalement. Ils sont pas cons, tu sais. Parce que comme on dit ma voiture, et ben on dit mon gamin, tu vois, c'est normal. Comme on dit mon papa, c'est normal pour un gamin de dire mon papa, donc c'est normal pour un papa de dire mon gamin. T'es allergique? Ça me paraît tout à fait logique. C'est le pollen, je crois. On dit comme ça. Même si ça, mais tout. J'ai remarqué un truc, c'est tous les 12 mai 2017, à environ cette heure-là, quoi, et ben on se fait chier à cette émission de merde. Quoi. Et Nuisance, c'est vraiment une émission de pourri qui vaut pas tripette. Ouais, on n'a même pas le droit de dire que cette émission c'est de la merde. C'est vraiment la seule émission au monde où on n'a pas le droit de dire ça. Vous êtes vraiment des enculés, on se fait pas virer. Ben, moi je m'emmerde. Moi je m'emmerde et je te le dis. Hein, ma vie elle vaut rien. Franchement, si je faisais pas ça, vous le dire quoi. Vous le dire que je me fais chier, mais c'est vrai. Hein. Je crois que c'est pas. J'ai pas de vie moi. Je travaille peut-être pas assez en fait. Ouais, faut que je travaille, ouais. Plus, c'est la santé. Plus c'est mieux, ouais. Non, mieux laisse tomber, t'as raison, plus c'est mieux. Ouais. C'est plus pas ma faute, je travaille. Je suis en train de travailler. C'est pas ma faute. Plus c'est mieux. Je peux pas. Je peux pas faire autrement, je suis en train de travailler. C'est pas ma faute. Plus c'est plus. Plus c'est plus. Bon, parfois, il se peut que, effectivement, le travail, c'est plus. Mais, il faut surtout ne pas oublier que parfois, le travail, c'est moins. Parce que si jamais c'est moins, ça veut dire que tu aurais pu faire plus. C'est ça. Donc, tu ne travailles pas. Donc, tu es une merde. Donc, tu es un clochard. Si tu n'es pas un clochard, c'est juste une question de décalage temporel. Ça va arriver forcément. C'est relatif, tout est relatif. Moi je suis riche parce que je le mérite. Toi tu mérites pas, donc t'es un clochard. C'est relatif à ça, c'est en ça, fait. Tu comprends? C'est ça, parce que moi ce que c'est intrinsèque à la condition d'être clochard. Tu comprends pas parce que t'es clochard, parce que je t'ai dit de pas apprendre la leçon à l'école et que ta prof était con et qu'elle était dépressive parce qu'elle était clochard d'elle-même. Tu comprends? Ou ton prof? Tu sais que ton prof, quand il a frappé son gamin et qu'il y pensait en plein cours à frapper le gamin, mais qu'il allait avoir des problèmes parce que t'as le droit de frapper ton gamin et pas le gamin des autres, et ben ce truc-là, ça l'a traumatisé, ce pauvre prof de maths. Et toi, ça t'a traumatisé? Non, moi j'ai trouvé ça rigolo qu'il le frappe contre l'armoire. J'ai trouvé ça marrant lorsque j'ai vu tous les livres lui tomber sur la tête. Et personne l'a vu, l'armoire. Si, j'étais là. Je l'ai vu. Dans les bois. Qui a vu l'armoire tomber dans les bois? Moi. Mais alors, elle est vraiment tombée? Oui, elle est tombée dessus. Mais elle est debout, l'armoire. Oui, mais les livres lui sont rentrés dedans. Elle tenait debout l'armoire et maintenant elle est tombée? Elle est tombée l'armoire. Non, dis ça à maman. Si, maman elle a vu aussi. Maman, elle me l'a dit. Elle me l'a dit, l'armoire elle est tombée. Et les livres ils sont tombés par terre et papa, et après vrai, on pouvait plus les lire parce que c'était plus écrit. Et dedans ils ne pouvaient plus c'est les lire. C'est un complot. C'est tombé, mais c'est ils pas veulent ton fromage. Mais mon fromage il m'appartient. C'est mon fromage, je veux pas leur donner. Ils veulent ton truc. Non, c'est à tout moi. Ce qui est à toi est à eux. Non, pourquoi vous me le prenez? Arrêtez. Non, c'était à eux avant d'être à toi. Vous voulez vraiment c'est toi qui leur as pris. Pour... Mais je l'aurais pour en avoir plus. Non, je l'aurais pas fait ça, je suis pas coupable. Si, t'es coupable. Non, c'est pas moi. Tu peux me croire, tu peux me croire, c'est vrai, c'est moi qui te le dis. C'est pas moi qui suis coupable, c'est eux qui m'ont violé, c'est pas moi, je suis pas coupable. Mais t'es coupable, t'es coupable d'être mort trois fois au moins depuis cet incident. Mais... tu sais, ça fait ta troisième vie maintenant, tu reviens toujours avec les mêmes excuses, maintenant tu redescends sur Terre et tu dégages. Hein. Tu restes là-bas en enfer maintenant, petit. Allez, allez, allez, non, dis rien, dis rien, dis oui, dis oui, dis oui. Oui, dis oui, oui. S'il vous plaît, non, je oui. veux pas retourner. Tu veux pas là-bas. Bah, t'y retournes quand même, ciao, non, allez. Non, tant pis pour toi, t'en as une 17ème vie. Tu me saoules, je suis fatigué. Tu veux encore taper une vie, allez, 17 siècles encore sur Terre, je t'emmerde. Allez, ta gueule maintenant. Ciao, allez. Tant pis pour toi, je préfère hier, en fait. Hier, c'était mieux. Il y avait un gamin qui était envoyé au paradis parce qu'il était mort en chaise roulante. C'était une meilleure émission, je trouvais. Ce soir, c'était moins marrant parce que c'était le contraire. C'était le parent qui était méchant avec son gamin qui allait sur Terre en fait pour refaire la même chose avec d'autres gamins. Ouais, tendez-lui la main, faites-lui un bisou sur la main et ensuite, vous voyez ce que je veux dire. Avant de la lâcher. Tendez-lui les pieds. Tendez-la lui, histoire qu'il voit bien, qu'il puisse pas l'attraper. Je veux l'attraper. Tendez-la bien, bien, bien, préférez-le, effleurez-le du bout des doigts. Et puis le plus c'est petit, le plus c'est fort des poignets, vous savez ce que je veux dire. Ça a beaucoup de poignes, ce truc. Mais, attends, vous êtes pas en train de parler de donner des fausses espérances à des enfants? Les enfants sont morts aujourd'hui, non, c'est très bien. Comprennent. Depuis Monsanto, les enfants sont morts, c'est un complot, ils veulent nos enfants, ils veulent nos têtes. Vous n'avez aucun respect pour les enfants? Le respect, c'est relatif non, mais à ta culture. J'ai plein d'amour pour eux. Mais ne leur faites pas ça, c'est illégal, madame. Je suis pleine d'enfants. Madame, c'est illégal, ils ont même pas 3 ans. Laissez-les tranquilles, ce ne sont pas vos et enfants, après, madame. Ah ouais, grave, vas-y. Comment vous osez travailler dans une maternité? Un rythme effréné. Et ouais, et moi je peux je peux leur manger le. Tout ce que tu veux. D'accord, c'est cool. Après, il faudra te référer au cahier des charges. Cahier des charges, ouais. Choisir en fonction, tu vois, parce que pas tous les mêmes prix. Enfant brun. Les solilès, c'est un peu plus cher. Ouais, je comprends, c'est si les cathos, faut prier avant. Les rognures d'ongles. Pas après. Si les tibétains, tu pries après, voilà. Pas avant. Il y a la procédure. Ouais, je comprends, rituel. Et tu peux le tuer, sinon c'est bon, t'inquiète. Sacrifice. Sacrifice. Et minutieusement suivre. Ouais, en fait, c'est ça, tout à fait, chaque étape. Et donc, vous avez compris, la structure de l'émission, c'est que tout est très très calme, en fait, ici. C'est ailleurs qu'il y a un gros bordel, et c'est vous le bordel, parce que l'émission, nous, on essaie d'être calme, et ça vient nous enfourner. Sur ce bruit de fond, mais en fait ce bruit de fond c'est vous en fait, c'est le système, c'est vous en fait, vous êtes le système, vous entendez? Et donc vous méritez la mort, hein. Vous méritez la mort, vous avez compris? Ça, c'est elle a répété après moi, oui, oui, qui oui, encore une fois, sous mes doigts. Dites-le moi. J'entends ça, tes os là. Allez, vous entendez, oui. Ah non, il faudra nettoyer ça, c'est dégueulasse. Ah non, ça c'est encore plus dégueulasse. C'est crâneux. C'est la 7ème. Et une éponge sur le lavabo. S'il te plaît, mec. C'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Tu veux que je me lève, c'est ça? Bah vas-y, travaille. Un calme travaille. Soudain. Je suis bénévole, moi. Ouais, si tu veux céder au tumulte. Tu veux que je me lève, c'est ça? On compte les poissons. Un poisson. Deux poissons. Trois poissons. Quatre poissons. Cinq poissons. C'est poisson. A, B, C, D, E, F, G, H. Ouais, G, O, B, U, R, S, T, U, T, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Je connaisse. Élastique. Caoutchouc, tire dessus, c'est tout. Alouette. Élastique. Alouette. Alouette. Alouette. Je me ramène sur Fist. pourquoi on a choisi ce thème pour cette émission, c'est trop dur. Faut qu'on choisisse un nouveau terme. Si on choisissait élastique par exemple. D'accord. On va parler de bandé, dans ce cas-là, bandé en élastique ça marche quoi. Tu peux pas dire bandé avec fist. On bande un arc. Tout de suite, bandé, fist, non, je vois pas trop le truc. On bande une main. Bourré, la main ouais. Des blessés, on les bande. Les bandés. On bande les blessés. Y'a pas besoin. La débandade. Y'a pas besoin, un fist c'est un fist, y'a pas besoin de bander quoi. Enfin, ça sert à rien, autant se branler quoi, je veux dire. Ouais, mais après, faut bander par contre. Enfin, si bandés, ça se passe. Ah, faut bander. Ah, mais ça, c'est pas moi qui fais les points de suture. Hein. Ah, ouais. Ouais, faut y aller vite quoi, quand on tire la chose, je comprends. Faut que ça sorte quoi. Tant bien que mal. Ouais, ben à ce moment-là, moi ce que je pense, c'est que faut peut-être assurer les cadavres. Si on en a 12, on peut avoir la paire gratuite après pour. C'est dégueulasse. Que carte tu de fais. Fidélité. Et toi. En plus, c'était mon petit bout de papier où je voulais écrire des choses dessus. Ah bah dis donc, je vois tes sous, t'en as pas beaucoup hein. Ouais. Ça fait pas beaucoup hein. C'est pas grand chose. Pas grand chose. N'oublie pas, on est le début du mois. Hein. Ouais, c'est dégueulasse, mais vas-y, mais attends. Je suis en train de nettoyer. Je suis en train de tout, tu mais si, je nettoie, regarde. Mais non. Mais non, je t'ai suivi, regarde. Dégueu. Je nettoie, regarde. Nettoie. Regarde. Un calme soudain a succédé au tumulte. On compte les poissons. Oui, écoute les poissons. Un poisson rouge. Deux poissons rouges. Deux poissons rouges. Deux poissons rouges. Trois, quatre, cinq, six poissons rouges. Il en a encore foutu partout. Il en a encore foutu partout. Il en a encore foutu partout. J'ai fait pipi sur la table. Il en a encore foutu partout. J'ai mis le pipi un peu partout sur la table. J'ai fait pipi sur la table. Cherche le vague et le spontané. Il faut nettoyer. Cherche l'absurde qui a un but et une destinée. C'est pas moi, mais il faut nettoyer. Cherche le vague et le spontané. Il faut nettoyer. Cherche l'absurde qui a un but et une destinée. Diplomatico. Get it down, they get it up the whole time. They pay. They pay. They pay right the right so price. High. It's already up. They pay right the right so price. High. It's already up. Hello. They pay right the right so price. Hello. It's already up. Hello. La dernière fois, c'était la même chose, sauf que c'était différent la même chose dernière fois, tu vois. Ah ouais. Ouais, et c'était la dernière chose, que c'était la même fois, la dernière chose, la même fois. C'était la même chose, la même fois. Différent, la même chose, la dernière fois, tu vois. Bah, et réécoute-moi et tu verras très bien ce que je voulais dire. La dernière chose, c'était la même fois, la dernière chose, la même fois. Différent, la même chose. Non, mais écoute-moi, tu l'expliques pas très bien. Écoute-moi et tu verras très bien ce que je voulais dire. La dernière chose, c'était la même fois, la dernière chose, la même fois. Différent, la même chose. Non, mais écoute-moi, tu l'expliques pas très bien. Moi et tu verras très bien ce que je voulais dire. Non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Mais ouais, je non, répète. Écoute-moi, tu n'expliques pas très bien. Moi, et tu verras très bien ce que je vais dire. Non, je ne comprends pas. Les voix, elles tournent en même temps. Non, c'est pas vrai, elles tournent pas, non. Oui, oui, c'est vrai, si, elles tournent. Tu verras très bien ce que je vais dire. Non, je ne pas sûr. Je rien de ça. Non, c'est pas vrai, elle tourne pas. Non. Oui, oui, c'est vrai. Si elle tourne, oui, quelle cacophonie. Je rien de ça. Petit cafarnaüm de rien du tout, et tout de suite la cacophonie s'installe. Mais non, elle tourne. On pourrait s'écouter un peu. Fanny's caco. Petit cafarnaüm de rien du tout, et tout de suite la cacophonie s'installe. Mais non, on pourrait s'écouter un peu. A succédé au tumulte. Ombrageux d'une nomenclature dorée sur un travers de limaces au four. Un calme. Point. Soudain. Grosse pipe de cheval. Clé. Un calme. Clé à pipe. Soudain. L'amour est. Comme l'élasticité pipe. D'un prépuce autour d'un fœtus. Mort. Adèle. Comme l'élasticité d'un prépuce. Mort. Adèle. Comme l'élasticité d'un prépuce. Mort. Adèle. Comme l'élasticité d'un prépuce. Mort. Adèle. Comme l'élasticité d'un prépuce. Mort. Bête. Comme l'élasticité. Comme l'élasticité. Comme l'élasticité. On n'est pas ici pour dire de la merde, ok ? Et je vois ce que vous êtes en train de faire. Tu veux pas travailler plutôt? Vous êtes en train de détourner l'intention première d'un truc tout à fait banal et trivial comme une émission à chier en un truc qui pourrait peut-être tenter de dire quelque chose d'intéressant, et ça je refuse complètement et c'est catégorique maintenant, ok? Vraiment, c'est incroyable, mais vous savez pas ce que sont les bonnes choses, quoi. Je veux vraiment vous faire la morale parce que c'est ma bonne volonté, quoi. C'est ma bonne volonté de vouloir le faire. C'est je peux vous lire une histoire. Les bonnes choses, quoi. C'est une super histoire. Morale parce que c'est ma bonne volonté, quoi. Volonté de vouloir le faire. Histoire. Morale parce que c'est. Elle. L'histoire de la petite décharge. La peau écorchée, la décharge se lève d'une belle mécanique pour la marche lève. Ce n'est pas tout. Elle avance. Elle marche lève. Les axes. Ce n'est pas tout. Elle avance. C'est pas rien non plus. Elle marche. Vous n'avez pas une petite carcasse. Ce n'est pas tout. Elle avance. C'est pas rien. Elle mange, je n'avais pas une petite carcasse, c'est pas tout. Elle avance. Mais comment se débarrasser de ces paragraphes? C'est pas tout. Mais comment s'enfoirer? C'est pas comme si tu avais déjà dit ça dans une fois. Pas ta maman quand tu te masturbes. Comme tu veux. Comme tu veux. Tu te souviens de la dernière fois que t'as touché la bite à ton père? J'y vais. D'accord. Tu te souviens de la dernière fois que t'as touché la bite à ton père? Ou la chatte à ta mère? D'accord. D'accord. Tu te souviens de la dernière fois que t'as touché la bite à ton père? Ou la chatte à ta mère? D'accord. Cette délicate sensation de la vulve de ta maman sur ton visage lorsque tu sors, criant, pleurant, ou la chatte à ta mère pour la première fois. D'accord. Cette délicate sensation de la vulve de ta maman sur ton visage. sort, crie en pleurant, ou la jette pour la première fois. Cette délicate sensation de la vulve de ta maman sur ton visage, crie en pleurant, ou la jette pour. Non. Voyez-vous, je n'ai pas senti la douce sensation de la vulve de ma maman quand je suis né, et vous ? Non. Je me souviens de cette fois, lorsque sentant la gravité pour la première fois, je tirais par le cordon ombilical cette chienne de mer qui m'avait mise en vie. À nu. Je la tirais par cette corde qui lui sortait de la chatte et la traînais sur le sol en lui disant « Pourquoi tu m'as mis à bas ?» La réponse ne me satisfaisait pas. Je lui avais enroulé le cordon ombilical autour du cou. J'avais fait un petit nœud, comme je le pouvais. Puis j'avais tiré très fort. Je faisais levier sur le coin de la table. Ses yeux se révulsaient. Alors que le médecin a enlevé sa blouse pour profiter de l'élargissement que je lui avais opéré pour s'immiscer en douce. On entendait le rythme de la table d'opération qui vacillait. Tirait encore sur le cordon ombilical. Gémissement tout doux commençait à prendre fin. Ah mais c'est vous qui parliez là ? Et vous voulez bien arrêter de dire des merdes comme ça ? C'est pas la journée, c'est la nuit. T'as qu'à aller travailler hein. Ouais, c'est ce que j'étais en train de faire justement. Bah va travailler plutôt. Je suis en train d'étaler ma mère. Parce que nous on est en train de travailler là, ok. Merci. Sur le cutophobe, parce que en fait je préfère voir quand c'est comme ça, tu vois, allez, ça pouvoir galérer. Pourquoi tu laisses sur le sang des gens comme toi, des gens comme nous. Tu as bien raison de ne pas me faire fumer juste pour t'octroyer le luxe de voir la cendre se consumer. J'aime croiser le regard miséreux. Tu as bien raison de pas me faire fumer juste pour toutes les tendues de mon dédain. Voir la cendre se consumer. J'aime croiser le regard miséreux. T'as qu'à travailler. J'aime bien travailler. Au lieu d'être pauvre. J'aime bien dormir aussi. Bah ouais. Mais ce que je préfère. T'as qu'à travailler en dormant, d'être pauvre. Non. Mais ce que j'aime bien dormir aussi. Une grande concentration. C'est travailler. J'ai un peu plus le cul en dormant, d'être pauvre. Ça prendra des trucs. Mais ce que j'aime bien dormir aussi. Une grande concentration. Ça préfère. Franchement, ça a été vachement décrié, mais les camps de concentration, c'est juste des grands centres de formation qui octroient une vraie expérience professionnelle à la majorité. Franchement, ça a été vachement décrié, mais les camps de concentration, c'est juste des grands centres de formation. Qui octroie une expérience personnelle. je sais. Je connais la réponse. Mais tu ne connais pas ma réponse. Non, la tienne, je l'attends. Tu veux savoir? Vas-y. Ouais, d'abord pose ta question. Oui ou non? Oui ou non? En fait, ce que j'apprécie vraiment, c'est le moment où cette question est posée. Et juste avant que je donne ma réponse, est-ce que je pourrais faire durer ce moment? Je t'en prie, aussi longtemps que tu le souhaites. Ah ouais? Aussi longtemps que possible. C'est vrai? Genre, ouais, et là je te donne ma réponse et c'est bon. C'est ça. Laisse-moi prends ton temps. Apprécier. Prends ton temps. Je peux lire ça? Non. Ah. Je peux lire ça? Forgetfulnesses of all the acolytes against the wall while the pinching of the guns were falling their trench marks on the tread of all the acolytes, the whole thread of the thing felt trench marks, the dead haywire the whole goddamn time. Et pendant ce temps-là, l'homme traversait de sa mésangeance en vengeresse, hargneuse et débilitante bestialité, avançant toujours pour ne pas mourir. La survivance lui permet de ne rien se permettre les uns aux autres. Parce qu'il est con. Parce qu'il est con, j'ai dit bestial et stupide bestialité. Putain, mais t'écoutes rien, moi je te dis des trucs. Ouais, bah attends, tu pourrais mieux informer ton. Parce que franchement, niveau compteur, là, je suis bestialité. Bon, d'accord, je comprends, je prends ta remarque en compte. Et je vais essayer d'en parler à mes supérieurs, ok? Ouais, non, mais toujours la hiérarchie. Ouais, c'est ça, ouais. Au moins, je leur en ai parlé à quelqu'un, tu vois. De se cacher comme ça, toujours. C'est bon, j'aurais plus besoin de faire quoi que ce soit, j'aurais parlé. Je me cache pas. Vous vous cachez toujours. Vous allez vous calmer, monsieur, je suis votre supérieur. Et pourquoi vous énervez? Il y a des enfants qui dorment en haut. Non, vous énervez pas, vous pouvez parler calmement dans un micro quand même, monsieur. Ah, on fait moins le malin maintenant. Hein. On réveille un enfant hein, de 3 ans en bas âge, et ça y est, on fait moins le malin. Moi je vous dis, la violence. Vous jouez sur les sentiments. La violence malheureusement dépasse les bornes du technique, de la technicalité, du technicisme. Strident et absconce toujours d'un territoire inadverse, le mien, donc toujours en phase, donc disons avec le surf ride éternel, la grande vague, oui, émergente et inémergente en même temps, car ratatiné vers le sol, vers les azurs, vers tout ça, l'azur bleuté, quoi, d'une limace dorée au four, toujours comme je vous disais tout à l'heure. Pardon, excusez-moi. Je veux pas te brusquer. Vous dites quoi là? Vous êtes en train de brusquer qui là? Vous êtes parce que moi je réagis au quart de tour. Vous avez vu qui une question veut... fermée a toujours 3 réponses. La troisième est la suspension. D'accord. Une belle phrase, il y avait un point à la fin. Oui, l'abstinence quoi, l'abstention. C'est pas la même chose, ce n'est pas la même chose, je peux pas vous laisser dire ça, ça n'a rien à voir. D'accord, non alors. Suspendre. D'accord. Suspend. À vous de parler tu maintenant. Sus. À vous de parler tu l'autre. Sus, tu pends. L'autre doit parler maintenant. l'autre a intérêt de parler parce que sinon il n'y aura pas de temps de parole. La démocratie est. Ok, telle. je parle. Ouais, c'est bon, bah parlez, allez-y, parlez. C'est bon, c'est bon, je parle. Est-ce que vous êtes en train de parler? Ouais, j'ai parlé. Vous êtes en train de parler, j'espère. Si on a le droit, on a le droit de ne pas parler. Ouais, carrément, on a le droit de vous dire qu'on ne parle pas, quoi. Mais alors, laisse-moi ne pas parler. Alors, non, non, il faut que justement que tu dises. Quand tu vois, tu essaies de m'oublier encore. Non, non, rien du tout. Mais toi, tu fais ton réactionnaire, là. Ton réactionnivisme à la marxiste, strobstiste, stakhanoviste. Tu sais, tes principes à la mort dans le nœud. Dis-moi ce que j'en fais de tes principes, je me torche avec, ok? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le fric. Rien que ça. Qui c'est qui a donné de la bouffe dans la gamelle des gamins? C'est certainement pas tes principes marxistes à la maman le qui a perdu trois gamins à la pneumonie. Non, moi j'en peux plus, moi. J'en peux plus. Il faut que je me marie avec quelqu'un d'autre. Écoute, Bernard, moi-même, Robert, je te laisse tomber avec les enfants et au revoir. Tu te démerdes tout seul maintenant. Épouse-moi. Épouse-moi. Trop tard. Oui, je suis déjà marié. Allez. Je suis déjà marié. Allez. Je suis marié à la mort. On se paxe. Non, c'est interdit la polygamie. La mort, c'est une femme, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? La mort, c'est le Tao, tu vois. Ouais, moi, je suis comme ça, moi. Ouais, moi je vis le surf jusqu'au bout, quoi. Ce que je veux dire, la mort, c'est le surf, tu vois. Moi, je suis comme ça, moi. La vague, the wave, man. Moi, je vis, you know, surf jusqu'au bout. I'm like, really, I'm really cool, you know. I'm somebody cool, you know. La vague, the wave, man. I'm like, I'm really fucking cool, you know, cause, like, dude, you know, I'm somebody cool, you know. La vague, it's just like this, you know, it's like, dude, I'm really fucking cool, you know, cause, like, dude, you know, I'm somebody cool, you know. La vague, it's just like this, you know, it's like, dude, it's like, surf, cool, you know, cause, like, surf ride, wave. Ah, final, tumultuous. Franchement, tu façonnes. La façon dont tu files, finalement, le fur de ta fuite fera facilement fi des fiances qui fument sur la route. J'ai joué et jalonné la jouissance de la puissance du jeu. J'ai vu, j'avoue, le jus des joues de ton postérieur. Le postérieur, mais passons. Ne poussons pas tes aïeux dans les pousses de plantes piquantes. Petit, tu peux te passer des paroles. Petit, tu peux te passer. Tu connais des gens Dieu, entends-moi. Ce n'est pas à toi que je parle, Dieu. Je suis en train de parler à ma propre enfant. Ma fille, oui, aînée, oui, Dieu. Tais-toi maintenant, laisse-moi lui parler, laisse-moi tranquille, Dieu. Je suis en train de punir ma fille en lui parlant, en lui montrant la bonne voie. Alors Dieu, ta gueule. C'est malin. Tous les poissons ils sont différents, c'est que t'as des points différents quoi, donc tu peux vraiment jouer au domino si t'en achètes suffisamment. Privé d'alcool. Petit, tu peux. Mais qui s'énerve là, passer de... J'ai débouté contre le mur là. Tu t'es coupé les cheveux. Ouais, toi. Des vies, t'as pas deux vies. Mais lentement, tu as pensé lentement te laver les dents. Mais comment as-tu fait? Ouais, toi. Des existences aux danses bien nettes. Tu as pensé lentement te laver les dents. Comment as-tu fait? Si franchement, tu façonnes la façon dont tu files, finalement, le fur de ta fuite fera facilement fi des fientes qui fument sur la route. J'ai joué et jalonné la jouissance de la puissance du jeu. J'ai vu, j'avoue, le jus des joues de ton postérieur. A posteriori, mais passons, ne poussons pas tes aïeux dans les pousses de plantes piquantes. Petit, tu peux te passer de parole. Comme un psychopathe, tu fais du fricoplat. Carré ta tronche de dégénéré. Il y a comme toi, je m'attape 10 au petit déj ou un soirée. Bien joué. C'est dégueu, tout comme la même dont pas affreux que je nomme. Imad, crâne malade. Qui raconte que des salades, qui me font battre. Allez, je te passe le salam. Putain, ils ont craqué, désolé, excusez-moi, hein, je suis désolé. C'est... 80, on leur laisse la liberté d'expression et ça y est, les gens ils disent n'importe quoi, ils hallucinent total, mais c'est n'importe quoi. Procuration. Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net, nuisance, l'émission, nuisance, l'émission. Canal Sud sur le net aussi. Et 05 61 53 36 95. T'es pas net aussi. Merci, merci. T'es pas net. C'est fini ? Non, non, merci, c'est gentil. Ah. J'ai eu peur. Non, mais moi j'ai pas peur, hein. J'ai peur de rien, moi. T'sais. Nuisance, ça continue. Moi je kiffe l'anal quand j'ai pas ton drôle, deviens fou, je fais un scandale. Les bords du rien. Marche sur le fil. Vaseline, c'est pour les PD, moi j'y vais à sec avec du gravier. Ton anus, ça va faire mal, on va frôler la fissure anale. Je prends pas de plaisir, je suis pas là pour, je suis tellement enculé, quand tu payeras, on va le rajouter. Pas de pitié, pas de tendresse, ce soir c'est bactard pour tes fesses. Elles sont tatouées, percées, c'est pile les poils, après elles vont dire que la sodomie ça fait mal, putain. J'avais un diable à la place du gland, je te jure, pour y aller, j'aurais pas besoin de lubrifiant, mais bon. Mais bon, comme t'es un gentleman. Je te mets 1, 2, 3 doigts pour préparer le terrain pour l'anaconda. Écarte les pattes et détends-toi. Ça y est, je rentre en 3. Tu parles sodomie, je rentre en frénésie. Je crois que je perds la tête quand j'entre trop la douillette. Je perds la raison quand je vois trop ton fion. On a la chance d'être en présence d'MC Circulaire ce soir sur Canal Sud. Mais attention, alors, MC Circulaire du Sud. Invité spécial surprise de Nuisance. Ouais, je suis vraiment content d'avoir enfin un invité politique dans cette émission qui parle de MC. Cul. Hey, donc de cul dans tous ces termes abscons qu'il y a. Dans le cul, la merde et toute cette carrière. Alors attendez, vous avez de la boue sur la gueule. C'est le non-sens. Le non-sens, la nuisance. La nuisance du non-sens dans cette vie-là que nous vivons ensemble, tous mes frères et sœurs, n'est-ce pas? Et nous sommes le non-sens. Nous sommes la nuisance. L'être humain est une nuisance, l'être humain est un non-sens. Oui, je sais, oui, tout à fait, merci monsieur. Continuez, je vous laisse faire votre truc. Que nouveau ce plaisir. Plaisir de fier. Kina Rivers. Cause I've been there. I come from here. I know where I go. I know what I do. Just drinking some beer. Ooh. And that's me hanging the streets. Coming back to my house, I got 50 messages. So what to do now? I'ma hang out, listening to my phone. What I don't know, I got 50 damn messages. So what to do? I only call the girls big breasts. So where I come from, I'm not that nigga pushing the trigger. I've been here, cause my name is Lewis and you're a rhythmic. I don't know what to say that's rhythmic. I'm fucking postal, I don't know what to say about that. I'm still hanging in the streets. There's no fucking in the streets. I'm still hanging on the trottoir. What's to do? The weather is too noir. I'm pushing on that Côte d'Ivoire. So what to do now? So what to do? What to do? I don't give no motherfucking shit no more. Still smoking crack. Still smoking heroin. Still hanging in the motherfucking streets no more. So where you come from? Are you still hanging with them heavy motherfuckers up? They're still smoking the cigarettes. So you won't see them smoking the patch or chewing on the cigarettes. Is that for real? Is that moi je suis true? Un artiste et je suis en train de faire un beat. That's and true and I yeah. don't really know what to do. Yeah. Et je bois de la 8. 8 c'est pour tout le monde. Ah si c'est là. Appelle donc James Bond. Avec sa veste en cuir, c'est de pire en pire. Il va... Pardon, je connais que James Round moi. James Drown. James Crown. James Drown. James Frown. He's drowning in motherfucking acro. James Brown. Brush your teeth. Ow! Ow! Come on in! Sex machine. Schönberg. Get up. Get up. Get up. Get up. I'm like a machine. Fucking lame. Fucking lame. Fucking lame. Coming from the motherfucking streets no more. I don't give no motherfucking shit no more. Sit hanging on the motherfucking hood no more. Are you still smoking that shit? Are you still get hanging up. That street? Get on up. Get on up. Get on up. Get on up. Get up. Get on up. Get up. You're still driving a chair. Like another one drives the dust. Sit down. Be on board. Be on board. Sit down. Be on board. Sit on down. Be on board. Sit down. Be on board. Sit on down. Be on board. Sit down. Sit in jail, yo. What you doing? Bitch, what you down. Doing? Get down. Hanging the motherfucking street now. Be humble. Is that for real? Is that really, really, really real? Are you for real? No. Is that the truth? I'm an hallucination. I'ma break your throat. Don't be like that. Don't hang like that. Is that the same motherfucking sound like that? You're a fucking lame beatbox. I don't get what you're saying. I don't get your motherfucking rhythms. There's no rhythm. There's no saying. Fuck there's death. Nothing worth saying for and rhythming for anyway. Creation is not he in wrong. Itself. He wrong. Creation he is wrong. Elsewhere. We're dead already. It's always he the wrong. Same thing over he and wrong. Over again the whole he fucking wrong. Time. Nothing's worth he wrong. All dead he already, wrong. Smack he wrong. All dead smack, already. Smack, you know, smack you know, he wrong. All dead already. You know. Is that all fuck? Dead already, he wrong. You know. You know. You know. We're all dead already. He knows you know, that what's worth dead is already, he wrong. You know. You know. You know. We're all dead already. You know. Fucking lame instrumentals. Yeah, fucking know, lame beatbox. Already, fucking lame you know, lyrics. That's the worst already, motherfucking yeah, you know, sound you heard of. You know, all dead already. You know. Shit. You know, you know, you know, all dead already, you know. They're all dead already, you know, you know, you know, all dead already, you know. All dead already, you know. All dead already, you know. All dead. All dead already, you know. All dead. All dead already, you know. All daddy motherfucking bastard. You know. All dead. All dead already, you know, you know. All daddy motherfucking bastard. Old daddy, old daddy, old daddy, motherfucking bastard. Old daddy, old daddy, old daddy, motherfucking bastard. Old daddy, old daddy, old daddy, motherfucking bastard. Old daddy, old daddy, old daddy, motherfucking bastard. Old daddy, old daddy, old daddy, motherfucking bastard. Old daddy, four microphones. Old daddy, old daddy, motherfucking bastard. Four microphones. Old daddy, what you doing? Old daddy, four microphones. Old daddy, motherfucking bastard. Old daddy, old daddy, old daddy, motherfucking bastard. Four microphones. Old daddy, old daddy. Voilà comment ça. Old daddy, old daddy. Mon jugement, tu vois, mon copain, c'est comme ça. Tu fais ce que tu veux. Parfois, je veux bien, mais pas tout. Je veux pas de suite. Normalement, briquet. Je veux pas de suite, mais ça. Je veux pas de suite, mais ça. Je préfère faire une voiture de la meca. Je préfère fumer une meca. Je veux pas fumer de ça de suite. Je préfère ne pas fumer de meca. Et le quoi que ça me tue. En attendant, je vais taper ta seule. Non, ne pas fermer deux. Elle est nulle. Je crois que je la veux, celle-là. Non, ne la tape pas, ma seule. Je crois que je la veux, celle-là. celle-là que j'ai pas tapée. Je t'en ferai une autre quand tu seras motivé. Celle de ce train que j'ai pas tapé. Et regarde bien tout ça, monter dans mon nez. Ça va disparaître. Ça va disparaître. Tu viens de... Tu viens tout juste de naître. Non, ça va disparaître. Non. Oh, t'as tapé ma sotra. T'as tapé ma sotra. T'as tapé ma sotra. Je crois que je vais te mettre des coups de là. T'es cul de ta craque, t'es cul de ta craque. Pas ta claque, bim bam boum, mais tu tombes dans l'escalier. T'as tapé ma sotra. Zinedine, si je vais te mettre des coups de là. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais qu'est-ce que j'ai tapé comme le cas? T'as fait percuter quand j'ai fait t'envoulais trop dans ton pays. Parce qu'il est trop fêlé. Mais comme c'est dommage, il est monté dans mes narines à main. Elle s'est défoncée, elle s'est défoncée, elle s'est défoncée, elle s'est défoncée, elle s'est déglinguée la teuté, ça lui est remonté dans le nez, comme un déglingué, comme un fou, il a pas fumé, il a pas tracé, il a tout laissé tomber, ouais, all day, my fucking best, all day, we never do do, we never do do, we never do do, we never do, we never do, we never do, we never do, we never do, do. Oh là là, oh là là, c'est vraiment n'importe quoi. Oh là là, apprécie la technique de monémétisation de DB. Oh là là, c'est vraiment. C'est vraiment n'importe quoi. C'était vraiment bien, merci, c'était vraiment bien. Et on va en écouter un petit peu. Baby, I like it. Ça va dans le mauvais sens. C'est génial, merci. Super, c'est ça, le non-sens total. Le capharnaüm, la cacophonie. La cacophonie. La déambulation et le papier partout, c'est génial. J'adore quand les boulettes de papier sautent par-dessus le mur. J'adore quand le monde entier fait l'azur à la place du bleu. J'adore même quand le bang. Tu m'en payeras une petite. Comme un psychopathe, je fais du fricot black dans les street marks. J'en ai rien à carrer, des vides, ta tronche, des gênés. Je passe deux comme toi, j'en veux. Cacophonie, sorti de la soirée, ouais, dégueu. Tout comme la même une pote affreux que je nomme il. Mal, me craque, malade. Mais vas-y, raconte. Mais vas-y, qu'est-ce que tu fais? Raconte que des salades. Tout comme la même une pote affreux que je nomme 2, 3. C'est des lamelles, 12 par 80, ta crevante, ça nourrit 80. C'est des mamelles. Tout comme la même une pote affreux que je pris la 3. C'est des lamelles, 12 par 80, j'ai une grosse à peine rapée. Quelle heure il est? Ah mais putain, il est minuit et demi et l'émission qui devait durer de 21h à 23h seulement de tous les vendredis environ de 21h à 23h et ben dépasse des fois parce que on se le permet à une, dans une radio associative libre comme Canal Sud qui est une association à but non lucratif et qu'on est tous des bénévoles et qu'on même on paye pour pouvoir faire des trucs comme ça, mais c'est tout à fait normal, ouais, c'est ça qui existe, c'est ça le réel, ouais, la réalité, ça. Vous voyez les choses quoi, les gens payent pour pouvoir faire des trucs comme ça, mais c'est tout à fait normal, ouais, c'est ça qui existe, c'est ça le réel, ouais, la réalité, ça. Vous voyez les choses quoi, les gens payent pour pouvoir faire des trucs comme ça, mais c'est tout à fait normal, ouais, c'est ça qui existe, c'est ça le réel, la réalité, vous voyez, des choses, quoi, les gens payent pour pouvoir faire des trucs comme ça, mais c'est tout à fait normal, ouais, c'est comme ça qui existe, le travail réel, la réalité, le travail, ne subit rien, le travail, pour pouvoir faire des trucs comme ça, mais c'est tout à fait normal, ouais, c'est comme ça qui existe, le travail réel, la réalité, le travail, ne subit rien, le travail, pour pouvoir faire des trucs comme ça, mais c'est tout à fait normal, le travail, non, ce n'est pas, la réalité, le travail, ne subit rien, le travail, ma banane, je vais pas travailler. Ma banane, je vais pas travailler. Avant de la manger, ma banane, laissez-moi l'éplucher. Et prends-moi avant de le la voisin manger. Dit dessus. se plaint du bruit qui dérange son bébé. Notamment certains jours. Désolé pour le voisin, le bruit. Les mêmes chaque semaine. Dérange le bébé. Soyez en raisonnable. Désolé. Dessus, se plaint du bruit qui dérange son bébé. Désolé pour le bruit. Désolé pour le voisin, le bruit. Dérange les enfants. Chaque semaine. Dérange le bébé. Soyez en raisonnable. Désolé. Essayons d'éviter justement trop de bruit pour déranger. Désolé pour le bruit. Nous devons pas déranger pour déranger, mais déranger pour réveiller. Mais pas le soir, pas après 23h ou 22h, c'est pas son déranger. Nous devons pas déranger pour déranger, mais déranger pour réveiller. Mais pas le soir, pas après 23h ou 22h, c'est pas son déranger. Nous devons pas déranger pour déranger, mais déranger pour réveiller. Mais pas le soir, pas après 23h. Dérange son bébé. Notamment certains jours, à certaines heures, les mêmes chaque semaine. Soyons raisonnables, le voisin du dessus se plaint du bruit qui dérange son bébé. Notamment certains jours, à certaines heures, les mêmes chaque semaine. Soyons raisonnables. Maman est en bas, il fait des traces de maca. Maman est en bas. Le voisin du dessus se plaint du bruit qui dérange son petit bébé, notamment certains jours, à certaines heures, les mêmes de la patrie, semaine. Le jour de gloire est arrivé. Les enfants de la patrie, qui dérange son bébé, notamment certaines jours à certaines heures, les mêmes semaines, soyons raisonnables. C'était vraiment insupportable. Bravo et t'as géré. Vive les enfants de la patrie, et le jour de gloire du bruit est arrivé. Vive les enfants de la tyrannie, et le jour de gloire est arrivé. Vive les enfants de la tyrannie, et le jour de gloire est arrivé. Vive les enfants de la tyrannie. Le jour du bruit est arrivé. Vive les enfants de la tyrannie. Et le jour du bruit est arrivé. Vive les enfants de la tyrannie. Non, mais vous êtes du bruit est arrivé. Les enfants de la tyrannie. Vive les enfants de la tyrannie. Non, mais vous êtes du bruit est arrivé. Les enfants de la tyrannie. Bien sûr, j'ai une recrue, toi. Bagatelle. Bandade représente. T'inquiète, laisse trop un, si, si, si. Ah, bien sûr, j'ai une recrue, toi. Le couteau, bagatelle. Et le sang. Bandade représente. Vétier. T'inquiète, laisse trop un, si, si, si. Ah, bien sûr, j'ai une recrue. Le couteau, bagatelle. Bandade représente. T'inquiète, laisse trop un, si, si, si. Aïe, je suis tout. Et le feu. Le couteau. Bagatelle. Bandade représente. T'inquiète, laisse trop un, si, si, si. Aïe, je suis tout. Bandade représente. T'inquiète, laisse trop un, si, si. Aïe, je suis tout. Bandade représente. T'inquiète, laisse trop un, si, si. Aïe, je suis tout. On a le droit de faire de la com sur Canal C. Représente. Le 15 et 16 juin prochain. On a le droit de faire de la com sur Canal C. Il n'y aura aucune représentation théâtrale. Représente. Le 15 et nulle part. On a le droit de faire de la com sur Canal C. Il n'y aura aucune participation libre à la chapelle. Moi, Fardo, tu n'auras pas la Ceci n'est pas de la com. Je ne vais d'ailleurs pas vous lire un petit extrait. On se fait à deux ? On ne vous lira pas l'extrait. Venez voir la pièce, c'est tout. Je l'effacerai. J'ai prié maman et les gens. Laissez-moi. Seul Jean sera convaincu. Je l'effacerai. J'ai prié maman et les gens. Laissez-moi. Seul Jean sera convaincu. Pauvre maman qui acquiesce, pauvre Jean, qui voit cela se passer sous leurs yeux résignés. Ceci était un petit extrait de moi par Bruno. Quel serait le support de l'acte? Non pas un vide où règne la pesanteur, mais une surface plane, peut-être plate, sur laquelle on peut construire une mythologie, une histoire. Sur laquelle on peut penser, rêver. Que pourrait-on y façonner? Non pas une estru vide, mais une perle dans laquelle le monde s'y reflète totalement. Après quoi on peut souffrir un plateau donné de soi. Après quoi le tout brille de tous ses éclats. Un bon gros foutage de gueule. Toujours le parcours boucle sur lui-même. Aucun répit durable n'est donné. Je sombre dans une spirale qui ne s'arrête jamais. Chaque fois que je brise le cercle, c'est pour mieux en tracer un plus long, plus sombre. Le tourbillon se dessine alors. Les femmes, le sexe, la drogue. Je m'ouvre les veines pour laisser couler la chance. Mais c'est du but qui sort de mes canalisations rouillées. Des frissons, le parcours, le corps. Je ne pensais pas qu'avec un tel froid, ces odeurs pouvaient se déplacer librement. Pourtant, tout autour de moi, m'avait averti sur les risques à courir, sur les airs gelés. Je ne dis, on n'est pas qu'avec un ciel de bon qui Pourtant, tout autour de moi, les rouages ne tournent plus. Attendons l'été. Pour que point de l'été. Attendons l'été. Pour que point de l'été. Peter Clune se rendra pour fuir en direction du sommet. J'ai l'impression de comprendre pourquoi je brille, comment et pourquoi. Faire ce que je fais, je pense tellement déjà me permettre du convoi et de fait. Et de fait, j'ai l'impression comprendre, que je suis tellement de fait de me comprendre et je me permets cela. Que je me vends, que je me détruis, rajeunis, ça me permet de puiser en moi mes faiblesses qu'attends depuis tellement longtemps. Ça me permet de nourrir le père, comme on dit, en moi. Ça relie les pères qu'attends depuis tellement longtemps. De plus, car ça me permet, je me compose, de nourrir le père, comme on dit, en moi. Ça relie les tirs en la gueule qu'attends depuis tellement longtemps. De plus, car me permet, je me compose, je nourrir le père, comme on dit, d'apprendre en moi. Ça relie les tirs en la gueule qu'attends depuis tellement longtemps. De plus, car me permet, je me compose, je nourrir le père, comme on dit, d'apprendre en moi. Ça relie les tirs en la gueule qu'attends depuis tellement longtemps. De plus, car me permet, je me compose, je nourrir le père, comme on dit, d'apprendre en moi. There is something in the elsewhere, you know what I mean. Il y a quelque chose dans l'ailleurs, tu vois ce que je veux dire? Perdu sur le beat, j'ai pas le bon flow. À trop chercher la rime, j'en perds mes mots. Perdu sur le beat, j'ai pas le bon flow. À trop chercher le rime, la rime, j'en perds mes mots. Sur le beat, j'ai pas le bon flow. Voici les mots cherchés, le rire, chercher la rime, qui défile la dalle en ville avec ce mot habile. Et s'empile des moments futiles, il s'empile connecteur dans sa vie fébrile. Vous n'avez pas vu encore la même chose que la dernière fois, toujours dans la même canivouille de la dernière fois. Il y a la même chose, la même chose que la dernière fois, et toujours dans la même canivouille que la dernière fois, c'est la même chose. Il y a la même chose, la même chose que la dernière fois, et toujours dans la même canivouille que la dernière fois, c'est la même chose. Il y a la même chose, la même chose que la dernière fois, et toujours dans la même canivouille que la dernière fois. C'est la même chose. Il y a la même grosse chose, tasse. La même chose que la dernière fois, et toujours dans la même canivoïté que la dernière fois. C'est la même grosse chose. Trace pour les tasses qui se lassent en 2-0. Tu connais le game pour certains masses les liasses. Alors je trace pour les trous de vin et pour faire ton mandingo. Tu connais le game. Alors de quoi cette merde de charme s'attire vers le pastor. Alors de quoi t'avais économisé, trimé dans un tas de PD pour finalement tout flamber. Et ta merde, se pense-t-elle quand tu craques ta vie? Ta mère, je te demande PD pour finalement tout flamber. Et ta merde, la morale, quand tu craques ta vie, ta mère, je te demande PD. Et pour ainsi dire, à jamais, entrouvert de stupre se fascine. Oui, c'est sûr, pourtant, ainsi dire n'est jamais que, mais entrouvert de stupre se fascine, agir, faire, oui, c'est le début, premier pas, là, j'ai vu, les obscurisants de passion, ce qui se déploie, only Chang, mais agir, faire, oui, c'est le début, premier pas, là, j'ai vu, les obscurisants de passion, ce qui se déploie, only Chang, mais agir, faire, oui, c'est le début. Regarde-toi, regarde-moi, je suis grand fort, je n'ai besoin de personne, mais toi, oui, toi, tu n'es rien d'autre que moi-même. Ah, la force réside dans la pratique. Qui c'était? Comprise. Mais quoi? Soutenu et de volonté. Ce serait une hallucination. De la plus haute, intelligemment adéquate. Putain, c'est pas possible. Adapté. Je deviens vraiment taré. Fucking. Le choix est là. Je te laisse aller. Et choisis la perte de entraînement. Tout ça. Où tu te laisses aller. Relève-toi. À lâcher prise. Tu n'es pas tellement. Sur le monde en faveur de la lumière. Et entre ces deux là-bas, les réserves d'or s'amenuisent en faveur du plomb. Tout change. Aveu de terreur peureuse de la merde. Car papa Jacques a dit fais-le. En faveur du plomb. Si personne tout change. Aveu de terreur peureuse de la merde. Car papa Jacques a dit fais-le. Essayons sous mes pieds à la main. Tout change. D'abord, pousse la tige, ça l'enclenche les bras. Jacques a dit fais-le, la tige devient grande, il me dépasse en taille, les gars commencent à me faire les bras. Jacques a dit fais-le, la tige devient grande, il me dépasse en taille, les gars commencent à me faire les bras. Fais-le, la tige devient grande, il me dépasse en taille, les gars commencent à me faire les bras. C'était pour vous dire, que ben je viens de couper un truc qui était vraiment bien. C'était vraiment bien hein, ce qu'on faisait là. Et ben vous avez tout raté quoi. Vous êtes en train de parler de vos amis, de travail en fait, de diamant, d'adamantine, éternité. Donc une éternité, donc toute relative pour une forme vivante comme nous, un être vivant, un être humain. Tout à fait. Vous avez parlé d'humanisme. Vous avez parlé humainement entre vous, humanistement, humainement. Et nous, on a fait de la merde. Mais c'était mieux notre merde que vous, hein, franchement. Ouais, j'ai préféré notre truc à vous. Mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir que vous soyez là. C'est pas la peine de vous interrompre. Non, moi, c'est pas interrompu parce que en fait, je savais pas quoi faire d'autre. Et c'est grâce à ça, justement, ce que je suis en train de dire comme connerie, que je me permets de rebondir sur le sujet que nous abordons actuellement. Et donc, le sujet, c'est donc grâce à vous, en fait. Grâce à vous deux. Et ben, vous rendez pas compte, mais en fait, j'ai pu faire au moins là déjà, j'en suis à peut-être 30 secondes, 45 secondes, une minute, peut-être de blabla, peut-être 35 secondes, 45 secondes, 50 secondes, j'en suis à 50 secondes de blabla à propos de rien, grâce à vous deux. Et donc, je vous remercie, monsieur aussi, quoi, de votre participation vraiment fervente et riche, quoi, en fervente direction de la richesse, quoi, justement, de cette décision-là, quoi, d'avoir fait venir des gens pareils, quoi, dans une émission aussi inadéquate que la mienne, et enfin que celle de Canal Sud, je veux dire, Nuisance, vous avez compris, j'espère. Mais j'ai pas envie de comprendre en fait. D'accord, ok, ça marche. Mais y a rien adéquate que la mienne, et enfin que celle. Ta gueule. Est-ce qu'on peut te dire ferme ta gueule? Ah ouais, alors attendez. Alors moi, ce que je vous propose, on va jouer. Non, genre. Stop. Tu fais le malin parce que t'es à la régie, c'est ça? Vas-y, descends. Vas-y, bien descends. Je vais vous demander de vous dire chacun. Non, de me dire, chacun votre tour. S'il vous plaît, fais-toi plaisir. Pourquoi? Dis-moi. Est-ce que ça me fait plaisir? Bon, alors qu'est-ce qui te ferait plaisir? De me dire ferme ta gueule? Non. Chacun son tour, quoi. Chacun son tour, quelqu'un me fait plaisir sur ma gueule et je le mets en boucle, après on retravaille dessus lentement. On peut te bifler? Mais doucement. Alors, un mot à la fois. Il faut s'éloigner du micro. Il faut s'éloigner et il faut y aller, il faut faire un mot à la fois. Il faut placer un petit ding par-ci. Bon. Papa, par là. C'est pour le travail. Donc là, on va devoir faire 30 secondes de silence. Par contre, c'est ça le petit problème de ce jeu-là, c'est qu'il va falloir que je fasse 30 secondes de silence. Tu me donnes des opiacés? Non. Vous êtes prêts pour 30 secondes de silence? On m'a dit, il faut prendre des opiacés parce que sinon, il y a des problèmes. Le silence, ouais, le silence, il est pas bon si les opiacés sont pas bons. Non. Vous êtes prêts pour 30 secondes? On y est presque. Donc dans 30 secondes, nous allons bientôt attaquer les 30 secondes de silence, dans 30 secondes à peu près environ. Nous y sommes. On doit faire quoi déjà ? Nous y sommes. On doit faire quoi déjà? On doit faire quoi déjà? Nous y sommes. On doit faire quoi déjà? On doit faire quoi déjà? Nous y sommes. On doit faire quoi déjà? On doit faire quoi déjà? Nous y sommes. On doit faire quoi déjà? On doit faire quoi déjà? Nous y sommes. On doit faire quoi déjà? Nous y sommes. On doit faire quoi déjà? Nous y sommes. On doit faire quoi déjà? Nous y sommes. On doit faire quoi déjà? Nous y sommes. D'accord, je finis mon assiette. Nous y sommes. D'accord, je finis mon assiette. Ah bah non, tu sais bien que c'est enregistré et que ça va repasser encore et encore dans toutes les boutiques du monde entier pendant des heures et des heures si on parle. Ah bah non, tu sais bien que c'est enregistré et que ça va repasser encore et encore dans toutes les boutiques du monde entier pendant des heures et des heures si on parle. Ah bah non, tu sais bien que c'est enregistré et que ça va repasser encore et encore dans toutes les boutiques du monde entier pendant des heures et des heures qui sont fatigués. Ah bah non, tu sais bien que c'est enregistré et que ça va repasser encore et encore dans toutes les boutiques du monde entier. Ceci est une radio, mec. Des heures et des heures qui sont fatigués. Personne ne te voit. Personne ne voit ton sang couler de tes tempes. Personne ne sent l'odeur de ta fécalité. Personne ne sent l'odeur de ta fécalité. L'odeur sulfurique me gêne. Personne ne sent l'odeur de ta fécalité. L'odeur sulfurique me gêne. Personne ne sent l'odeur de sa fécalité. Jamais. J'ai moins froid que chaud ou chaud que froid. Jamais plus. Jamais. Jamais. Jamais. Jamais. Jamais. Dis pas jamais comme ça. Abandonne jamais, pas Fievel. Allez Forest, cours jamais, Forest, jusqu'au non, bout. Jamais. C'est pas beau. Jamais. Jamais. C'est pas beau. La vie est comme une boîte de chocolat. Arrive à la moitié. La moitié. Non mais c'est pas arrive à la moitié. La moitié. Non mais vous écoutez Canal Sud 92.2 FM dans la région toulousaine, ce qui signifie que vous êtes pollué par les ondes radioélectriques Hertzienne. En ce moment même, et nous sommes en train de vous polluer le cerveau de vous et de vos enfants oui, qui dorment tranquillement. Les enfants, pensez aux enfants. C'est une propagande, ceci est de la publicité. Je veux vendre mon corps, mon esprit, mes idées pour du fric. Voilà, ça me fera très bien l'affaire. Nous voulons que ça soit de la propagande. Ce que nous faisons ici dans Nuisance tous les vendredis de 21h à 23h, vous pouvez écouter de la musique sur de la propagande pro-polis. De la propagande, oui, c'est cela, oui. De la propagande pro-polis. Sur de la propagande pro-polis. Police. Police. Police. Police. Police. Police. Propagande police. Vous êtes en enfer. Vous êtes en enfer. Police. Bienvenue en enfer. Propagande. Police. Police. Bienvenue en enfer. Propagande. Police. Propagande. Police. C'est la boulangerie française. On va tous vous rendre obèses. Police. On va tous. La boulangerie française. C'est la boulangerie française. On va tous vous rendre obèses. Police. La win. Est hollandaise. C'est la boulangerie française. On va tous vous rendre obèses. Police. La win. Voisin du dessus. Est hollandaise. Dérange son bébé. Et des odeurs, la propagande par l'odeur, la propagande par le vent, des gavants, les bandes, on va ralentir le tempo et on va arriver à parler comme ça à peu près. On peut se parler normalement, comme ça on est bien. On peut à peu près arriver à gêner sans avoir à penser. Et on est parfaitement calé. Alors ce matin, je suis allé acheter du pain. J'ai mangé une baguette avec un juif. Je suis allé ensuite filer une pièce à un clodo. Le mec m'a filé une 8-6. Pourquoi il t'a donné une 8-6? Parce que je lui ai filé un bifton. Il m'a pas donné à moi. Ah, il était avec moi, tu te souviens, il t'a payé une Grimbergen. Le rat. Tu t'as payé une Grimbergen. C'est moi qui fais le rat, non, c'est pas lui. Non. C'est pas vrai. Non. Tu peux pas dire des choses comme ça méchantes comme ça sur les gens que tu connais pas, t'sais. Non, dis-les sur les gens que tu connais, voyons. C'est moi qui fais le rat. C'est moi le rat. C'est moi le rat. Dis pas des choses pareilles, voyons. Pas ici pour être gentil. Pathétique. Ah, voilà, sympathique. Mais en tout cas, ce qui était sûr, c'était que... Il nous reste plus rien à boire, là. Plus de rhum, en tout cas, diplomatico. Terminer le rhum. Terminer les bières. Ouais, il reste que du tabac. Terminer le rhum. Pourquoi pas? Oh, homie, it's all me. M'inquiète. Ce silence, ce calme. Ça change un peu, alors je me suis dit, tiens, on va essayer de dire des trucs intelligibles pendant un petit moment. Intelligent est-ce que vous savez que je suis, est-ce que vous savez que je suis un grand intellectuel et comme tel, j'ai plein de trucs super intelligents, super malin, super malin. Alors, vous voulez m'écouter? Non. Ah, s'il vous plaît, vous voulez non, pas m'écouter? Non, parce qu'en fait, c'est très bien, mais non, en fait. Des trucs cons à passer quoi, je vais de la merde, ouais, de la merde, voilà, en face de la merde micro de pointe. Ouais, je sais pas ce que c'est moi en fait, mais c'est pas grave. Ouais, c'est... On aurait du micro pointe. Ah, c'est du macro pointe. Ah, du macro pointe. Ouais, du macro pointe, ouais, c'est macro pointe dans ton cul. À cette échelle là, macro fist, plus du macro fistinière. Ouais, ouais, merci. Et c'est le vinyle 2 du label 5. Ouais, dans ton cul si tu veux, et dans le mien aussi, okay. C'est dans tous nos culs. Si... Ouais. Dans nos culs d'ailleurs. Alors, il faudrait qu'on fasse un festival dans nos culs. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Dans nos culs, ce serait vraiment marrant. On ferait des dents dans un cul. Ouais. Et on mettrait dans nos culs, ce et serait on marrant. On ferait plein de trucs dans notre cul. Des dents dans notre cul, tu vois. Des dents dans franchement, notre cul. Ça serait un festival pas forcément cher en plus à mettre en place quoi. Non, mais il y aurait moyen de se faire héberger par le site contre la pédophilie humaniste. Ouais. Et aussi, on pourrait se faire rembourser des dents. On peut avoir des subventions de clitoris sinon. Ouais, c'est l'association de Raël contre l'excision. Et la stérimine, eh ben, on peut se la faire injecter à travers l'anus. À travers l'anus, ouais, mais on n'est pas obligé de l'injecter. On peut aussi peut-être se la passer vite fait, bien fait. Dans les veines. Ouais, mais tu sais, par comment on appelle ça, tu vois, les pores de la peau. Ah, par les pores de la peau, par le contact physique. Ouais, quoi, contact physique, un massage régulier. Un massage régulier sur les tempes. Voilà, ou sur d'autres zones du corps. Érogène, par exemple, sur la bite. Érogène ou autre. Titon de karma. Pas forcément, oui. Dans l'anus, quoi. Aussi. On peut faire des suppositoires avec pas mal de merde en fait. Mais pas forcément des suppositoires. Moi j'aimerais bien l'avoir sur les doigts et pouvoir te l'induire dans le cul. Me l'introduire, voilà. C'est pas l'injecter, c'est de l'introduire. Voilà. Donc, en fait, ce qui est important, c'est de l'introduire dans le corps le produit que tu veux consommer. Voilà. Donc, si tu veux consommer de l'alcool, tu l'introduis dans ton corps. Tu prends de l'alcool, tu introduis de l'alcool dans ton corps. Bah oui. Et si tu veux prendre de l'héroïne par exemple, ou je ne sais quelle autre drogue fantasmagorique, qui n'existe pas en réalité, puisque c'est interdit. Tu sais très bien que ça n'existe pas. C'est interdit, ça n'a pas malheureux. Existé. Malheureux. Oh là là, le mec il croit encore aux licornes et aux dragons et aux princesses. Oui, je suis heureux, moi je suis heureux. Moi je suis heureux. J'ai pas de reproche à prendre de bande de toxo complètement camé et désœuvré comme vous. Mais attends, moi je m'en fous. Moi je suis un sale tox. Et un jour, c'est vraiment des sales camés quoi. C'est dégueulasse de dire des trucs pareils à des heures inaudibles. Tu crois que dans notre monde c'est le capitalisme qui est là quoi en fait. Dire de la merde tout le temps comme ça, tous les jours, le capitalisme. Mais j'emmerde, je m'emmerde moi-même. Bien sûr que tu t'emmerdes. Bien sûr. Tu regardes dans quel état d'esprit tu t'es mis. Non mais. Non mais. Non mais. Bien sûr que tu t'emmerdes. Bien sûr. Tu regardes dans quel état d'esprit tu t'es mis. Non mais. C'est terrible. Passe, c'est franchement, ma film. Finalement, ce carnet enferme des secrets sous réserve. Au-delà de la réalité et de l'imagination, ce n'est ni imaginaire ni réel, c'est au-delà, c'est autre chose. Il ne faut pas savoir si chaque mot renvoie à du réel ou à de l'imaginaire. Tout ce que tu lis, ce n'est ni réel ni imaginaire, ce n'est ni inventé ni pensé. Tu ne peux pas savoir où tu es, tu ne sais pas, tu es perdu, tu es dans un labyrinthe. Le sens n'existe plus. Tu ne peux pas savoir où tu es perdu. J'invente des choses, je crée des choses, mais des fois je suis vrai. Parfois, je suis bien plus vrai que tout ce que tu pourras faire. C'est comme le fait la faculté d'être honnête, d'être vrai. Comme la force physique, une faculté pas si difficile à acquérir, mais concrètement, nous ne sommes pas tous si forts. L'honnêteté, c'est pareil. C'est pas difficile d'être honnête, mais concrètement, qui s'entraîne tous les jours, qui fait des centaines et des centaines de pompes par jour, qui pousse la fonte pour s'entraîner à avoir des gros muscles d'honnêteté? Personne. Si, moi. Je serai honnête avec toi et je te le dirai, c'est pas vrai ce que tu dis. L'honnêteté, c'est les inadversions intransigeantes qui ne nomenclaturent pas les fascinations. Tu comprends? Je ne suis pas d'accord. Je vous disais un peu plus tôt, c'est Canal Sud à Toulouse. Comme je vous disais un peu plus tôt, c'est Canal Sud à Toulouse. Comme je vous disais un peu plus tôt, c'est Canal Sud à Toulouse. Comme je vous disais un peu plus tôt, c'est Canal Sud à Toulouse. Comme je vous disais un peu plus tôt, c'est Canal Sud à Toulouse. Comme je vous disais un peu plus tôt, c'est Canal Sud à Toulouse. Comme je vous disais un peu plus tôt, c'est Canal Sud à Toulouse. Comme je vous disais un peu plus tôt, c'est Canal Sud à Toulouse. Comme je vous disais un peu plus tôt, c'est Canal Sud à Toulouse. Comme je vous disais un peu plus tôt, c'est Canal Sud à Toulouse.

Bon, alors maintenant que je vous ai bien défoncé les oreilles pendant à peu près un quart d'heure avec tout le temps les mêmes sons, sans s'arrêter, tout le temps dans les feuilles, et que ça nous fait chier, et qu'on en a rien à foutre parce que personne n'écoute et qu'il est 1h presque et demie du matin, un vendredi soir, donc samedi matin, le 13, samedi 13, vous imaginez le 13, nous faire des choses le 13. C'est dégueulasse, ça me dégoûte tout ça. Ça me donne envie de vous, ou de me, ou de te, ou de je sais pas quoi. Et ça, c'est vraiment triste. Mais c'est pas le propos de Nuisance. Nuisance, là, on est là pour se rigoler, pour s'amuser, pour prendre notre pied. C'est fait. Canal Sud 92.2 MHz, 40 rue Alfred Duméril. Canal Sud, la radio instable. Sur Canal Sud 92.2, c'est Jazz to Jazz.